s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Ah, il hurle déjà. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Un rythme soutenu, j'ai l'impression. Absolument. Qu'on a en ce moment. Quoi qu'on n'était pas là la semaine dernière, donc pas tant. Pour le cause d'une organisation immonde de notre part, parce qu'on avait réservé une date. On n'a jamais appelé les invités. Puis après, on s'est dit, ah, c'est demain, ce qui fait tôt. Bah, on les a même pas trouvés en fait. On avait juste, on n'a pas pris le temps de discuter de ça, et du coup, il n'y a pas eu d'épisode. Du coup, on a fait sauter l'épisode. On dirait qu'on est pro. On est au top. Mais là, trois invités, comme à l'accoutumée. Tout d'abord, elle est scénariste et comédienne. Vous avez pu la voir entre autres chez le Palma Show, mais également dans la dernière saison de Kaamelott où elle interprétait Julia. Et depuis, on la voit au cinéma, à la télé ou sur Internet. Citons pêle-mêle Love Addict, Ma pire angoisse, Un monde sans rap, le court-métrage Derrière la porte qu'elle a également écrit, et prochainement la série de Caroline Vigneault Flashback sur Prime Video. L'année dernière, elle a cartonné en redoublant des scènes de films sur le thème du confinement. Autant dire qu'elle nous a aidés à penser un peu à autre chose pendant cette période bien trouble. Elle est le creuse de Creustel, pardon. C'est Marion Creuse. Oh, oui. Hey, bonjour. C'était bien et j'ai foiré la fin. Ah, c'était je suis désolé. Non, mais il y a quand même du boulot. Il y a eu un aquaplanning. Oui, avant c'était... Bon, si vous avez des anecdotes... c'est ça. Comédien, auteur et réalisateur, vous avez pu le voir avec le Palma Show sur Internet, à la télé ou même au cinéma, dans La folle histoire de Max et Léon. Il a aussi sa propre chaîne YouTube, laquelle il explore différents styles dans ses courts-métrages. L'année dernière, il a cartonné en redoublant des scènes de films sur le thème du confinement. Autant dire qu'il s'est gavé salement sur le dos d'une pandémie. Il est le Stel de Creustel, c'est Julien Pestel. C'est exactement la même présentation pour moi. J'ai juste changé le prénom. L'égalité, l'égalité. Scénariste et réalisateur à qui on doit plusieurs courts-métrages chez Golden Moustache, plusieurs séries, dont Radioactive et bien sûr Les Emmerdeurs, ou encore le court-métrage Blue avec Amy LTR. Tous les lundis, c'est sur Twitch que vous pouvez le retrouver avec Julien Josselin sur Askip. C'est les lundis, hein, j'ai pas dit de conneries. Oui, oui, bien sûr. Et récemment, son film Escape a fait un carton sur W9 et a choqué des milliers de téléspectateurs qui pensaient que la chaîne ne diffusait que des émissions avec Issa Doumbia qui réagit à des vidéos de chiens qui chient de la purée. Bref, c'est Valentin Vincent. Oh, merci. Oh, ouais. Il est l'Adrien le plus célèbre de la planète, avec peut-être Adrien Brody. Et s'il n'est pas pianiste comme lui, ses doigts sont capables de parfaits miracles. Sur un clavier pour écrire, sur un crayon pour dessiner, ou sur une manette pour gamer. Nous avons Valentin l'imitateur, Julien l'enculeur, alors inaugurons Adrien le gros-doiteur. C'est Adrien Méniel. Merci. C'est vrai en plus, je peux pas dire le contraire. Gros doigt man. C'est allé si vite l'enculeur. Ouais, mais comme ça c'est fait. On n'en parle plus. Alors les amis, comme à l'actuel, Julien, je sais pas, parce que toi tu es revenu faire un Floodcast raconte il y a quelques temps, mais oui. La fois d'avant où tu étais venu, on ne faisait pas, je crois, encore les trucs sur l'actualité. On fait le tour du monde un peu entre ce qui se passe dans l'actualité. Jeu du ruquier. C'est un peu le jeu du ruquier. On commence avec cette question: quelle solution des comédiens de théâtre ont-ils trouvé pour continuer à jouer devant des gens? Alors, fermé. Il y en a qui ont joué dans des cours d'immeubles. Des cours d'immeubles, t'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Qui font la tournée des immeubles parisiens. Et ils jouaient dans les cours d'immeubles et les gens les regardaient le spectacle à leur fenêtre. Ah, alors c'est pas la réponse, mais c'est très stylé par contre. C'est très stylé si les gens qui habitent là ont donné leur accord. Sinon, moi ça me casserait bien les couilles. C'est vrai. Surtout que c'est un spectacle qui commence à 7h du matin. Salut, je suis. Je me rappelle que j'ai vu les images et ils venaient avec un piano. Enfin, ils amenaient du matos. Oh là là, rien déteste. Non, mais moi déjà, au premier confinement, il y avait des gens, des voisins en fait, il y a une meuf qui faisait un quiz en fait de sa fenêtre, elle mettait les enceintes et elle faisait des blind tests et elle passait de la chanson, les gens étaient à leur fenêtre et tout, et vraiment les deux premières fois je disais, ah quand même c'est beau l'humain qui se ressaisit et tout. Au bout de deux jours je fais, bon allez, casse tu lui les couilles, à passer ta musique de merde. Il lui a littéralement lancé le Covid. Voilà, des masques imprégnés de Covid. Non, je plaisante, j'étais entre les deux tout le temps, genre c'est sympa et en même temps allez, un peu long. C'est fini. Un petit peu plus agacé quand même. Oui, non. Je venais de survivre au Covid. Je goûtais je crois qu'il a bien plein dedans. Mais c'est vrai qu'il y a un gars qui avait question pour un Covid ou je sais pas quoi. Ouais, oui, ouais. Bah, Samuel Etienne. Tout le monde a fait. C'est marrant. Oui, c'est vrai, c'est Samuel Etienne. Samuel Etienne. Il est cancel, je rappelle. Alors, Donc là, il ne s'agit pas du tout de ça, mais c'est presque mieux que la réponse. Hein, du coup, Marion, t'as bien gâché mon jeu, je te remercie. Merci beaucoup. Ils le font par Zoom ? Non. Ah, par vrai, il y a un truc comme ça où ils sont filmés. Non. Est-ce que c'est avec ça, ça existe. Oui, mais je sais que oui, même ils ont mis ça en place avec l'opéra et tout, je crois. Ouais, est-ce que c'est avec l'appli stéréo pour laquelle quelques personnes ont fait des OP sur Insta, mais vraiment très très peu. Très peu. Non, c'est pas ça. Ils jouent dans des jardins, on a vu. Des parcs, dans dehors, dans la rue. Comme non, Audrey Vernon, je l'ai vu, qui a joué son spectacle. Elle était dans un jardin avec des gens assis dehors. Ils font la Manche, quoi. C'est ça que tu dis. Oui, c'est un peu Avignon, mais à Paris, quoi. Absolument. Est-ce que ça implique une technologie ? Pas du tout. Ah. Ok. Est-ce que c'est un lieu en particulier ? Oui, c'est un lieu en particulier. C'est muet. Juste, ils sont comme ça. Enfin, c'est des mimes, un spectacle de mimes. Ça n'a rien à voir avec ma question. Je t'ai demandé où. Comment ? Non, mais c'est dans quel endroit ? Dans des avions. Dans un mime. C'est là où les gens peuvent se rassembler. Dans des centres commerciaux. Eh bien, tu n'es pas loin de la réponse. Supermarché. J'allais donner justement un indice en disant. Il pouvait encore le faire il y a quelques semaines, mais plus trop en ce moment. D'accord, dans un commerce de première nécessité. Alors non. Deuxième nécessité. Voilà, trois, quatre. Ils sont tous ouverts. Oui, c'est ça. J'ai vu un truc d'audiophilie en bas de chez moi. Je me dis, mais quel est le... Bah, voilà. Non, mais tout est ouvert. Les férus de haute techno. Oui, c'est une première nécessité. Bon, je vais m'acheter un home cinéma. Vraiment, c'est maintenant. Et donc, il faut trouver le lieu. C'est un magasin ? C'est un endroit d'un magasin. Un sex shop. Ah, le hangar ? Non. Si. À la caisse. Allez, gagné. À la caisse du magasin. Non. Sur le tapis roulant. Tout le temps de courir. Ah oui, c'est pas des grandes surfaces. Donc, c'est un type de. Est-ce que le type de magasin a une importance ? Non, pas du tout. Non. Non. Donc, on peut juste faire tous les magasins. Bah, c'est ça. Donc, c'est un magasin. Je vais vous donner la réponse, je pense. Allez. Il s'agit tout simplement des vitrines de magasins. En fait, ils jouent dans les vitrines de magasins pour les passants dans la rue, tout simplement. Si. Ça s'appelle la galerie de la Fayette. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des tomates. Non, ça a eu lieu dimanche 11 avril à Paris. Faute de théâtre, pardon, deux comédiens ont joué dans la vitrine d'une boutique du 10e arrondissement. Ah, c'était un happening. Ouais. Un flash mob. C'était une vidéo de McFly. Ils ont joué la pièce Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. Bon, déjà calmos. Mais donc sans masque, on est d'accord. Les mecs sont dans le magasin sans masque en fait. Bah. Dans la vitrine. Ils jouent derrière la vitrine. Mais est-ce qu'ils sont sonorisés quand même ou c'est que du mime parce Ah que... attends. Mais les magasins sont fermés ? Quoi ? Oui, alors c'était le 11 avril, donc du coup, oui, ils étaient déjà fermés. Ah, d'accord, je croyais que c'était des magasins qui étaient ouverts. Non, c'était dans un magasin fermé. Non, c'est pas mal. Et donc, du coup, voilà, ils ont joué là-bas, mais du coup, je ne sais pas si c'était payant ou pas, je ne sais pas comment ils se sont démerdés. Peut-être pas déconner non plus. C'était aussi pour dénoncer derrière la vitre, oui, ils sont comme les artistes, confinés triste, mais vivants quand même. C'est aussi une opération de survie. Est-ce que vous Amsterdam aussi. Énormément. C'est marrant, moi j'allais dire, ça me fait penser aux petits chiens en vitrine. J'ai pas eu la même. Il y a deux écoles. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs un peu expliquer aux gens, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se poser la question. Non. Oh, Adrien Tous, ça va ? J'ai avalé de travers. Ok. Comment ça se passe les tournages en période de pandémie ? Déjà, ce qu'on peut dire, ce qui est quand même cool. Pareil qu'avant. Hein ? Absolument pareil qu'avant. Ah, mais c'est même, je tourne plus qu'avant, donc ça n'a aucun sens. Ah, mais c'est même ce que je disais, c'est que c'est particulier, mais pour le coup, c'est vraiment une branche où on peut travailler encore. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours beaucoup de tournages. On prend quand même la température. Il y a un grand contrôle. Matin et soir. Alors, c'est ça, donc toi, tu as réalisé Escape pendant le. C'était cet été, je crois. C'était pile entre deux. Ah, oui. Entre deux confinements. Comment ça se passe en tant que réalisateur En gros, déjà, on a cassé la TNT. Voilà. Oui, c'est vrai. Et en gros, on nous prenait la température matin et soir, et puis le masque a changé toutes les 3 heures. Il y avait les vitrines, ou pas ? Oui, il y avait des vitrines. Hein, moi, en tournage, j'avais l'impression d'être au parloir. Hein. Voilà. On mangeait des plexis. On nous disait que sur scène de ménage, ils tournent avec les vitres qu'ils enlèvent en post-prod. Ouais, je sais pas s'ils font plus. Ah ouais ? Ils le font plus. Ouais. Ils le font plus. Mais ils le font peut-être pour les deux petits vieux, par exemple. Non, mais en fait, sur scène de ménage et sur quelques prods, ils ont les tests antigéniques rapides là, qui se font en un quart d'heure, 20 minutes. Du coup, tu arrives sur le plateau et avant de te mettre en costume, on te met la tige dans le nez. Oh. Et puis un quart d'heure plus tard, on te dit c'est bon, t'es négatif et là, tu peux aller tourner. Vous avez tourné aussi, vous, pendant le Covid ? Ah oui, oui. Ouais. Après, les tests PCR, c'était tous les 4 jours. Tous les 4 jours, Alors, en sachant que les prods n'ont théoriquement pas le droit de te demander le résultat de ton... Tu peux dire ce que tu veux. Donc tu peux dire, ouais, je l'ai fait, il est négatif, et en fait, t'as le Covid. Comme c'est arrivé à quelqu'un que je connais. C'est illégal. Qui a réalisé une série, et ils ont appris plus tard qu'un des acteurs avait le Covid, le savait, oh là là. Et a tourné. Donc le mec a... C'est foutu dans la merde. Game of Thrones, il a foutu en plus, beaucoup c'était... de gens dans ouais, la salle était Game of Thrones, ils ont annulé. Donc voilà, donc, toujours des règles. Enfin voilà. En fait, tu vois, même on dit bouffer derrière des plexiglas. En vrai, on sait maintenant que ça sert pas à grand chose, quoi. Ah ouais, mais moi je suis pas du tout. Non, mais en fait, il y a l'aérosolisation du virus. En fait, si tu parles, le virus il se balade. Enfin, c'est logique en fait, quoi. Comme tout virus, tu peux. Moi, on peut plus piquer mes frites déjà. Ouais, c'est déjà. Ça, c'est ouais. Non, c'est un vrai plus. Et tu peux faire semblant de ne pas entendre ce que dit la personne pour dire non, mais le mieux c'est qu'on parle pas. Ouais. Moi, j'ai horreur de ça, par exemple, manger et me sentir obligé de parler avec des gens. Non, moi, je suis très concentré sur mon. Là, tu détestes les figurants. J'ai horreur de ça. Je les giflerai, ces personnes. Les merdes du Cinoche, comme il les appelait. Non, c'est faux. Non, mais c'est vrai, oui. Tout ça pour dire que ça dépend des productions, mais qu'au final, ça représente beaucoup d'argent pour les producteurs de cinéma. Un film moyen français, on va dire, dont le budget est aux alentours de, je crois, entre 5 et 8 millions d'euros. Le budget pour le Covid, à savoir les masques, les gels, etc., tout le protocole qu'il y a, ça peut vite monter à 2, 3, 400 000 euros. Ouais. C'est considérable, en fait. Moi j'ai fait des tournages où c'était aux alentours de 50 euros, je pense, le budget dédié au Covid. Hein. Bah, les masques, c'était mettez bien votre main sur votre bouche. Non, mais n'est-ce pas ou pas ? Bon, bah c'est bon. C'est-à-dire que ils demandaient pas de test, il y avait sûrement pas de test antigénique, ils demandaient pas de test PCR avant. Et au déj, c'était genre, il disait non, alors vous asseyez pas en face d'une personne, mais elle peut s'asseoir, genre, tu sais, en quinconce. Au déj, aucun. Oui, parce qu'en fait, technique. Le virus va vraiment tout droit. Il peut pas faire de virage, donc vous êtes safe. Ça n'a aucun sens. Au déj, ouais, c'était un grand pique-nique. Un grand chacun saladier. Prend un peu ce qu'il veut. Hein. Un grand saladier de chips où tu pouvais te servir. Voilà, donc ça dépend des tournages, ouais. Malheureusement. Là, c'était assez strict, du coup. Quand même. Moi, j'ai écrit un film là qui va se tourner en Thaïlande. Et du coup, les coûts aussi sont considérables parce qu'en Thaïlande, c'est 15 jours déjà de quarantaine, donc 14aine. 14aine, et donc ne serait-ce que ça, quoi. Tu multiplies deux semaines où tu dois héberger des gens, rien faire. Ils peuvent même pas se voir entre chambres d'hôtel, quoi. C'est-à-dire que chacun doit vraiment rester dans sa chambre. À la limite, faire un quiz à la fenêtre. Oui, voilà. Ouais. Jouer Molière. Voilà. Typo quiz. Une ville de France a eu quelques soucis avec Facebook récemment. À votre avis, quels soucis? Ah oui, je sais. Oh là là, ça y est. Le Pierre Bénichoux est autour de la table. Dans le nord de la France et qui s'appelle Beach. Bien. Ah joué. Oui, j'ai vu aussi. Parce que ça s'est fait censurer. Et en fait, Facebook a dit ouais, mais ça veut quand même vachement dire salope dans notre langue. Du coup, on va les censurer. Et en fait, le panneau de la ville Beach. C'est pas a été censuré par Facebook, il y a un truc comme ça. Oui, tu peux plus te localiser là, je crois. Ouais. Mais il y a un truc un peu automatique. Je connaissais une nana, son nom de famille c'était Bâtard, elle a pas pu le mettre sur Facebook. Ah. Oui, bah moi par exemple, j'ai un pote, son nom de famille c'était Antivax, le Covid n'existe pas. Et il a pas pu. Pour le coup, pas de soucis. Ah. Il s'est resté. Si, mais des I majuscules, des 1 pour faire I et tout, ça passe bien. Donc, alors ils ont été coupés pendant un certain temps, mais ils sont revenus. Et donc, ça passe en Moselle, Julien, donc n'importe quoi ce que tu dis. Ouais, absolument. En tout cas, ça nous a permis de savoir qu'une ville s'appelait Beach, c'est pas oui, mal. Oui, voilà, déjà. Bah, Omaha Beach, c'était pas ça. Non. Ah, d'accord. Il a adoré, Julien. je sais pas s'il a adoré ou détesté, j'arrive pas. Oh. Petit frisson de... Il vomit pas dans ton masque. Il frémit. Et le maire. C'est une blague historique. Le maire a invité Mark Zuckerberg, qui n'a pas encore répondu à l'invitation. Ah ouais? Mais je pense que non. Sans vouloir être de mauvais augure, je pense que non. Ah oui, et sinon, lundi, vous avez un rendez-vous avec la ville de Beach. Non, ça, je vais pas le faire. Comment ça? Qu'est-ce que tu as dit là? Le stagiaire, quand même. Bah, qui a déjà gâché le. Ouais. Oui. Une télé réalité bien particulière s'est lancée en Moselle. Toujours un épisode spécial Moselle. Et je suis ravi de vous inviter dans cet épisode spécial. Attends, Moselle. Parce qu'on vient tous de là. Question, une télé réalité bien particulière s'est lancée en Moselle pour occuper pendant le confinement. Je vous demande le concept. Jeune de Moselle recherche un mec mortel. J'ai adoré. Attends, mais c'est une vanne ou c'est vrai? Non, ça c'est pas ça. Et on a potentiellement un petit groupe Facebook sympa à créer pour les gens qui viennent de Moselle. Un Tinder de Moselle. Un titre d'épisode qui pour une fois n'impliquerait pas de la merde ou du sperme. Un truc dans le cul. Ouais, ok. Bon. Un truc un peu plus. Après, on n'a pas fini. T'essaies de me faire passer un message? Non, pas du tout. Mais vraiment, les messages. Tu veux dire que Burrito au placenta. Les messages que tu m'envoies, genre la veille de la publication. Pour le titre, je mets le cul plein de merde et la chiasse. Ou alors je mets la bite du vieux coincée dans la porte. Je sais pas, j'ai dit. Un épisode a failli être la bite à Bénichou et il est décédé entre temps. Il a fallu que je change le titre à la dernière minute. Ça aurait été un bel hommage. Bad Buzz, ouais, un bel hommage. Donc la télé qui doit bien se marier là-haut avec Coluche et des proches. Une télé bien particulière s'est lancée en Moselle pour occuper pendant le confinement. Donc sur la télé locale. C'est sur Internet pour être tout à fait sincère. Ah, d'accord. Je vais être transparent avec Est-ce toi. Est-ce que la région a son importance enfin, C'est elle une peut initiative la... particulière. Oui, elle peut l'avoir. C'est tout un une EHPAD qui est filmée. Horrible. Après, il y en a partout des EHPAD. Mais oui. Non, mais attends, parce qu'elle peut l'avoir. Cette réponse me. Comment c'est, parce que j'ai dit, est-ce que la région peut avoir une importance? Je pense qu'elle l'a, mais faut s'y connaître sur un certain sujet pour savoir que la Moselle est forte dans ce truc-là. C'est la flamme Menkuche. Spécialité culinaire. Il y a des amateurs de bonne bouffe autour de la table et ça me fait plaisir. Valentin qui silencieusement valide mes jeux de mots. Genre. C'est bien. Maître Miyagi, quoi. Et, c'est bien. Donc non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la bouffe, d'ailleurs, je peux vous le dire. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils font d'autre en Moselle? On a perdu deux, déjà, là. Je ne cherche plus. Spécialité de la Moselle. Et là, accent. On voit qu'on n'a pas assez regardé France 3. C'est bien la place, hein. C'est... Une fabrication de quelque chose? C'est alors, c'est pas une fabrication. C'est les cathédrales. Pas du tout. J'ai oublié ce qu'on cherchait. Ah oui, la télé-réalité. Télé-réalité. C'est la région Grand Est, pour répondre à ta question. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec l'amour ou le cul? Non. Non, bah, non. C'est les trois quarts des télé-réalités. Donc. Cela dit, il peut y avoir de l'amour et du cul, mais c'est pas la base du truc. Ah. Ouais. C'est un rapport avec les voisins allemands ou quoi? Non, pas du tout. Fallait que quelqu'un aborde le truc. Avec des animaux? C'est exactement des animaux. Ah, et oui. Qu'est-ce qu'il y a quel animal, c'est ça? Bon, ça pourrait aider, oui. C'est typique. Des lamas? Non. Des autruches? Non, je sais pas, il y a peut-être des trucs. C'est typique de Moselle? Bah, en tout cas, il y en a en Moselle, visiblement. Moi, je ne le savais pas. Après, bon, c'est des pigeons. Des cochons? Y en a... ouais. Non, pas des cochons. Des poules? Non, mais tu t'approches. Effectivement, il y a des ailes dans l'idée. Des dindons? Non, vous êtes. Non, vous approchez. Des canards? Ah, des paons? Non. Si. Non. Des autruches, non. Mais non, t'as déjà dit. Oui, je dis, mais on sait jamais. Tu l'as retenté. Des émeus. Des dindons. Non. Est-ce que ce sont des animaux de la ferme? Non, pas des animaux de la ferme. Des animaux qui voyagent beaucoup. Des pigeons, voyageurs. Des hirondelles. Non. Des faucons. Un peu plus grand. Un peu près la taille d'un héron, on l'a dit. Non. Un aigle, des aigles. Je vais vous donner des un balbuzard réponse. Pêcheur. Ah, c'est précis. C'est non, mais je suis désolé. Je croyais amoureux d'oiseaux. Après, en vrai, même si on a juste, on sera déçus, je pense. C'est une cigogne. Voilà. Ah mais bien sûr. Oui, espèce d'ordure. Bah si, c'est vrai qu'il y a un lien évident avec la Moselle. Oui, non, il y a un lobby de cigogne. Bah oui, bien sûr. Mais par contre, peut-être la pire télé-réalité qui existe, je pense à regarder. Alors, qu'est-ce que c'est alors? Ah bah alors non, c'est pas si mal. En fait, c'est genre une webcam. En fait, c'est une cigogne qui a élu domicile sur le toit de la mairie. Et donc depuis, ils ont calé une petite caméra pour observer la vie. Et non, les gens sont comme des fous. Ça n'est pas une télé-réalité. J'ai pour vous un petit extrait du reportage de France 2 où il parle de ça. Sur les réseaux sociaux, des passionnés commentent quotidiennement les aventures du couple. Installation, disputes et câlins. Cet habitant du Var ne peut plus s'en passer. Tous les jours, il y a un scénario nouveau et je ne sais jamais quelle va être la finalité. Bon. Voilà. Oh, il y a des pistes quand même. Chiant déjà. Une notoriété qui mais on dirait les bruits dans. Dans Jurassic Park. Mais tu sais que ça commence comme ça, Jurassic Park. Ils foutent une webcam au-dessus de deux cigognes. Dinosaures, c'est des oiseaux. Elles ont des prénoms ou pas ces cigognes? Alors je ne les connais pas. Catherine et Liliane. C'est bien. Mais oui. Ça me fait penser à ces vidéos où le mec se filme en disant alors aujourd'hui je vais compter jusqu'à 1 million. Et qui après interviewé par Combini qui trouve ça merveilleux. Oh, il y a un petit jugement. Quelle époque, putain. Comme quand on se fait bien chier pendant avec un scénario. Le Covid, on s'éclate quoi. Genre, ils ont des petits scénarios. Bon, bah arrêtons de travailler. Apparemment, des cigognes font mieux le travail que nous. The Last of Us, c'est ça que je cherchais. Le bruit des. Tu y as joué, non? Oui. Non, parce que moi j'étais sur Cigogne Signoret. Steven Cigogne. Allez, je me casse. Steven Cigogne. Si quelqu'un veut faire un montage, Steven Cigogne. Mais je crois que c'est une région qui adore la cigogne. C'est pas là-bas aussi où il y a Sigoland? Est-ce que vous connaissez Sigoland? Non, mais je crois que si on déconne, la cigogne, je crois que c'est un symbole vraiment. Ah oui, en Alsace, tout ça, c'est pas loin. Il y a plein de cigognes là-bas. Et Sigoland, vous connaissez ou pas? Non. Bah, c'est un parc d'attractions. Sigoland, oui. Non, c'est un parc d'attractions. Sigoland Royal. C'est un parc d'attractions dédié à Ségolène Royal, effectivement. Il y a 2-3 grands 8. François Hollande qui tient la buvette. Non, Sigoland, c'était un parc d'attractions, oui, qui existait à Strasbourg et que moi j'ai fait et qui est. Bon, qui est pas. Mais où tu. Quelle jeunesse. Ouais, bah tu sais, moi j'ai bourlingué un petit mais peu avant. Nigloland aussi. Nigloland, mais ça c'est encore autre chose. Ah ouais, donc ils ont tous les. Tous les Landes. Hein. De... Moi j'avais Kingoland. De quoi Kingoland en Bretagne, voilà, je vous invite. Et il y avait quoi comme attraction? Des châteaux gonflables en gros. Ouais, des rois, c'est voilà. Non, mais ça tient la route. Mais il y a un peu toutes les régions qui ont un peu leur. Moi j'avais le parc des Combes, tu vois, et le Pal aussi, pas très loin. C'est des petits parcs d'attractions, il y en a un peu partout dans la région. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous un peu les mêmes manèges. Genre souvent, ils ont une attraction qui s'appelle le King Kong, où c'est juste un singe qui remonte une bûche, et c'est vraiment l'attraction la plus flingax du monde. Il en a, le Pestel, il l'a vu celle-là. Ouais. Tu vois Oula, oui. Je t'ai fait voyager. Il a un flash. Si, j'ai vu ça. Non, je t'ai dit, il y en a sur le Pal. T'as pas fait le Pal, toi? Il a fait le Pal macho. Oui. Oh là là. Il a le masque et pourtant on discerne le sourire. C'est ça qui est magnifique. C'est les yeux. Non, mais parce que nous, on a, tu sais, qu'on a toute une histoire avec les parcs d'attractions. C'est-à-dire qu'on a Europa Park qui veut nous inviter. Ah bon? Non, tu te souviens? Le Futuroscope. Les deux, gars. Les deux. Bah, j'étais pas au courant pour mais Europa si, Park. Sur mais le Twitter. Non, tu me dis rien. Mais tu as accès au Twitter, tu aurais pu le voir. Petit flottement là. Tu te fais gronder là. Ouais, je crois. Ouais, j'avoue. Non, mais il y a Europa Park et le Futuroscope qui nous avaient invités. On y va. Parce qu'on est des vedettes en fait. On bah ouais, si bon, tu on veux, y va. Des célébrités. Si on peut faire un vlog. Vous êtes dans Astérix ou pas? Non, non, pas, non. On n'est pas des vedettes alors. Non, on n'est pas des vedettes. Mais Walibi par contre reste sourd à notre appel. Il y a un film Astérix. C'est quoi? C'est lequel que t'as fait toi? C'est le parc Spirou toi que t'as fait? Ah, je crois que tu parles d'Astérix. Mais non. Parc Spirou. Qu'est-ce que tu cherches un film dans lequel je suis? Il y en a que deux donc. C'est le parc Spirou que t'avais fait toi? Il y en a trois d'ailleurs. Le parc Spirou bien sûr. Bah oui, à Frames. Ah, tu l'avais fait aussi toi? Ouais, ouais. Est-ce que vous avez passé un pur moment? Franchement, c'était cool. Ah ouais. Oh ouais, bah après on était tous ensemble, c'était marrant. Mais, ouais, non, en vrai c'était pas mal, c'était, voilà. C'était délire. Bah voilà. Mais il y a toujours un côté ringard quand même. J'allais non, vraiment dire. On n'avait pas les mascottes, parce que moi ce que je trouve ringard c'est les mascottes à chaque fois. Même dans des mascottes, mon pauvre. Il y avait des mascottes. Je me suis pris en photo avec le marsu. Mais attends, c'était pas un vrai? Ah oui, non, c'était Patrick Beau. C'était une mascotte. Oh, je suis un marsupilami. Non, même les parcs d'attractions qui viennent d'ouvrir, il y a toujours un côté une petite technologie d'il y a 20 ans ça quand même. Tu sais genre non mais leur cinéma en 3D et tout, tu fais ah c'est bien ça, bravo. Futuroscope, vous l'avez racheté à un truc. Je viens de recevoir un tweet, on a perdu tous nos potes des parcs d'attractions, je pense qu'on est invité nulle part. Le Futuroscope il a dû prendre un petit coup, non? Peut-être pas, je serais ravi d'y aller moi. Est-ce qu'il y a des mises à jour au Futuroscope? Parce que c'est vrai que tous les cinémas sont passés à la 3D, donc il y avait plus d'intérêt pour le Futuroscope, donc c'était ça, ouais. Ouais, même l'Oculus Rift, enfin, ouais, c'est une réalité virtuelle. Ouais. C'est pas juste longtemps qu'il fait la vidéo de présentation. Tu sais, enfin, avec Claude Pied Plus, surtout. Ah oui, l'attraction. Ils l'ont peut-être mis à jour, lui. Il est en 3D. Dynamique. La vie dynamique avec Claude Pied Plus. Non, mais c'est. Je me souviens aussi de. C'était pas vraiment un parc d'attractions, mais quand tu parles des nouvelles technologies dépassées, à Pleumeur-Bodou, il y avait le musée des télécommunications. Oh, bah là, c'est un musée. Et c'était genre censé être un peu à la pointe et tout. Et vraiment, ils avaient pas mis à jour le truc. Et j'y étais retourné. Je me souviens petit, j'avais trouvé ça fascinant parce qu'il y avait des fonds verts. Tu pouvais être. Et maintenant, c'est juste moins bien qu'un téléphone. Mais tout ce qu'il y a là-bas. Et c'était d'une tristesse parce qu'ils ont pas mis à jour. Et il y avait encore des trucs de genre bientôt, on pourra prendre des photos avec le téléphone. Et toi, t'as ton. Oui, mais on peut filmer sympa, même. Bah, je vais faire des films en 8K, mon pote. Ça. Donc, je leur souhaite d'avoir un petit peu. On les embrasse. Voilà, on les embrasse. Nous écoute. On va faire une tournée des. Des musées. Musées et parcs d'attractions un peu. J'en rêve, en fait, en vrai, j'en rêve. Faisons-le. L'inverse de Patrick Beau, quoi, qui fait les trucs un peu passionnants autour de la France. Nous, les trucs chiants. Si on n'est pas déçu, on est dégoûté. J'adorerais. Deux astrologues anglais affirment que notre signe astrologique peut influencer quelque chose de bien précis dans notre quotidien. Et ça, je sais qu'Adrien y Instagram, croit. Je pense. Je sais qu'Adrien y croit à 1000%. À votre avis, de transit, quoi s'agit-il? Le transit? Non, c'est pas le transit. La sexualité? Non. T'as vu, on a tout de suite du cul des lèvres. À chaque fois qu'il pose une question, je. Et là, ça fait quand même 4 questions ou pas du qu'est-ce tout? Qu'est-ce qu'ils disent exactement? J'ai pas. Que ça peut influer quelque chose sur ton quotidien. Sur une activité bien précise. Le signe astrologique peut influer sur quelque chose au quotidien. Le caractère, si on suit les horoscopes, ce genre de trucs. Oui, mais là, ah, bah, c'est ah bah vous êtes Verseau, ah bah vous avez un bon tempérament. Oui, mais justement, c'est pas... un truc un petit peu plus insolite. Sinon après, c'est la définition de l'horoscope que tu viens de donner. Quoi. Oui. On cherche pas des définitions. Un médicament peut avoir une incidence sur quelque chose en particulier. La santé ? Oui, Julien, oui, Julien. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pas facile tous les jours avec lui, vous savez. J'avais adoré la story où il avait vissé le porte-manteau. Pardon, je... Ça avait transpercé la porte. J'avais acheté des patères pour qu'il mette sur une porte. Et il les met, et voilà. Et je regardais derrière la porte, il y avait les vis qui sortaient de l'autre côté. C'est vraiment pas tu sais, la petite peinture un petit peu soulevée. C'était vraiment, non, il y avait 3 cm de vis. Ah merde. Pourtant, je suis un bon bricoleur. C'est vrai. Sur ce coup-là, j'étais non, pas. Là, mais aussi un gros biglouchère. Revenons à ces putains de sinistres logiques, s'il vous plaît. Moi, alors, après, ça, moi, sur... mais moi, je suis très mauvais en bricolage. Je te jetterai jamais la pierre, Julien. Moi, vraiment, non, j'ai pété sous le lavabo. Tout est pété par ma faute. Ah, bon, en voulant réparer. Bah, je viendrai te dépanner si tu veux. Ah bah, viens, hey, ramène tes affaires. T'as pas de voisin juste derrière le lavabo. Tu peux le faire, du coup. Deux astrologues, du coup. Ah, deux, il y en a deux. Il y en a deux. Ils ont dit la même chose. Hein. Ils sont mis en accord. Sur le goût. Alors c'est lié au goût. Astrologue. Attends, parce que oui, d'accord. Calme-toi. Astrologue. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études particulières. Je vais te choper. D'accord. Oui, des gens dans la rue, quoi. Des charlatans. Au début, j'avais compris astronome. Je me suis plutôt c'est Thomas Pesquet qui se merdait. C'est lié au goût, tu dis. C'est la nourriture. Bien joué, Adrien. L'astrofood, la nouvelle tendance, mon pote. Quoi ? Ouais. Bah si. C'est les étoiles sont parmi nous et elles s'invitent à notre table. Selon Monte Farber et Amy Werner, astrologue anglais et co-auteur de Signs and Seasons, chaque signe serait différent face à l'alimentation. Consulter son horoscope plutôt que sa liste de courses pour être en harmonie avec les astres et avec soi-même. Adrien, quel est ton signe astrologique, par exemple ? Je suis... Taureau. Ah, il peut manger que des 3 étoiles du coup. Les taureaux sont les plus sensuels. Quand ils aiment, ils ne comptent pas. À table aussi, ils prennent leur temps et savourent chaque morceau. Ils apprécient les menus à plusieurs services. Ouais, je bouffe des culs quoi, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'il y a, le doigteur. Gros doigteur. Ils apprécient les menus à plusieurs services, mais aussi la cuisine très raffinée et les desserts gourmands. Ouais, aliment de prédilection. Aliment de prédilection. T'es prêt? Ouais. Parce que c'est pas flou, c'est très précis comme étude. Cheddar millésimé. Bah faux déjà, je suis vegan. Allez, terminé. Avocat. Bah oui, bon, comme tout le monde. Pois. Pardon ? Des pois, des petits pois, des pois. Qui adore ça ? Personne, n'importe quoi. Pomme de terre. Non mais oui. Mayonnaise. Les plus vagues. Mayonnaise. Le sel, le poivre. Oui, bon. Je chie sur l'astrologie. Et d'accord. Un bon verre d'eau. Bah, je croyais que t'aimais bien, il disait. Julien, toi t'es quoi ? Je suis Capricorne. Capricorne, alors attends, je vais aller voir. Capricorne. Donc, c'est bien parce qu'en plus c'est pas rangé par l'alphabétique. Toi tu aimes les poireaux, le bœuf, le chou calé, je ne sais même pas ce que c'est. Non, le quinoa. Le chou kale. Ah pardon. Le quinoa, le chou fleur et la canneberge. Oh, c'est nul. Oh là, c'est putain, des trucs bien light. Faux. C'est tout toi. Vraiment le truc ultra healthy quoi. Du kale y a pas et du un quinoa. Fromage. Allez, c'est clair. Oh là là. Marion, Sagittaire. Sagittaire. Là, normalement, quand on se trompe, les gens disent oui, mais attends, quel ascendant. Ah, taureau, bah oui, mais là, donc tu aimes la charcuterie. Plus que tous les autres signes du zodiaque, les Sagittaires sont convaincus d'être ce qu'ils mangent et donc privilégient les aliments frais, sains et boivent beaucoup d'eau. Aliments de prédilection: dinde, brocoli, courge, prune, noix de pécan, datte. C'est dinde. Il y a même pas le saucisson. Non mais rien du tout. La noix de pécan n'est l'aliment de prédilection de personne. Personne se fait une assiette de noix de pécan, putain de merde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est quoi ton plat préféré, noix de pécan ? Moi. Oh là, je pété le vide de noix de pécan au resto là. N'importe quoi, putain. C'est extrêmement cher en plus. Et t'en bouffes deux, t'as des aftes. Valentin, je suis Gémeaux. Moi, je veux aller au bout. Hein. Alors les Gémeaux, c'est que des trucs qui vont deux par deux. Ah oui, ça va être Malabar ça. Bigou. Oh, ça va être sucré salé. Sucré salé, ouais. Sucré voilà. Salé. Putain, c'est si ça. C'est ça, je pète ton ordi. Je comprends tout. Le Gémeaux a beau être un jouisseur, c'est vrai que t'es un. Là, ils tombent bien sur nez. Gros et Jackman. La cuisine et l'alimentation ne sont rien si elles ne peuvent être partagées. S'ils passent derrière les fourneaux, c'est pour nourrir une tablée et le menu. pour important qu'il est. Bouffé en partout. N'est jamais aussi essentiel que les amis aux côtés desquels on va en profiter. Ah. Ça n'a aucun sens. Par contre, je bouffe rien, moi. Alors, si, oui, je c'est vais ça. Te dire. Ils bouffent que quand il y a des invités, quoi. Déjà, et apparemment, jamais, alors, jamais. Tu aimes les mandarines, les concombres, la feta. L'aneth, je ne sais même pas ce qu'est l'aneth. C'est une herbe fraîche. Une herbe, ouais. Mais d'accord. Non, c'est la petite à lunettes là dans Premier Baiser. Ah oui, aussi, tu dois manger, mais hélas, cette femme. Petit pois et chips. Mais c'est nul. C'est nul. On les retrouve. Mais c'est un prank en fait. C'est un prank ce truc. En plus, ça dit des aliments tellement nuls. Mais quoi. Oui. Oui. L'aneth. Oui, à la limite. Mon aliment de protection, l'aneth. Si vous voulez. Je m'en fais des tartines. Et en dessert, un bon persil. Une infusion d'aneth. C'est vrai qu'il n'y a même pas ce truc flou où ça peut marcher avec tout le monde comme, le, comme les. Bah, un peu, mais. Mais c'est ça que j'aime bien dans le rodage. Parce qu'ils diraient des pâtes, des patates et machin. Enfin, oh putain, non, c'est vrai que j'adore ça. Ils font un peu moite-moite, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, ils disent un truc ouais. ultra basique, genre petit pois, et après ils disent l'aneth pour faire genre, bah vous voyez, on dit pas des. Et en fait, comme tu retiens que les trucs. C'est l'effet Barnum, hein, on connaît. Je retiens que le Barnum, hein, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, ça s'appelle comme ça. Oh, on en apprend des choses dans ce podcast. En fait, tu retiens que les trucs qui vont, qui marchent en fait. Qui vont dans ton sens. Et du coup, les trucs qui matchent pas trop, tu les oublies et au bout du compte, tu dis ah, c'est pas mal, ça marche. Mais cela dit, quand je faisais l'émission sur l'énergie avec Squeezie, on avait un concept. Vous avez eu le Covid. Ouais, on a tous attrapé énormément de Covid. Il y avait un concept que je faisais qui était lire l'horoscope, mais à la fin de la journée. Voir si ta journée est rentrée dans les clous de ce qu'avait dit. Eh bien, jamais. Enfin, quand tu le fais dans ce sens-là, ça marche absolument pas. Ça peut marcher dans l'autre sens, parce que je pense que t'es un peu conditionné. Ah, oui. Mais quand à la fin de la journée, tu dis est-ce que ami ou est-ce que amour, est-ce que machin, souvent c'était jamais. Après, tout dépend à quel point t'as envie d'y croire aussi. Parce qu'il y a aussi les gens qui ont envie d'y croire qui disent ah non, mais si, quelque part quand même, il s'est passé ça. Alors c'est pas exactement ça, mais bon, on peut l'interpréter comme ça, machin. C'est vrai que je suis allergique à l'aneth, mais si je me force. Mais c'est sûrement délicieux. Une chirurgienne s'est faite licencier après un partage sur internet. À votre avis, qu'a-t-elle posté sur le web? Eh ben, un patient ouvert ses entrailles. Non. Une chirurgie ratée. Chirurgie esthétique, peut-être. Chirurgie esthétique, bien sûr. Oh. Une gougoute. Chirurgie ratée. Non, pas une chirurgie ratée. Un blanchiment de trou de balle. Il y a eu un petit Chirac, non? Ah ouais, il y a eu Chirac. Ça a eu Chirac. Un blanchiment de trou de balle. Je crois que c'est les esthéticiennes qui font ça. Ça n'a rien à voir. On peut se faire des pigments. Et je crois que c'est pas l'intitulé exact de la procédure, je crois. Bonjour. Je viens pour un blanchiment de trou de cul. Comme ça. Trou de balle. Pour avoir un devis, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais jeune demoiselle, passe en deux, hein, de mon côté. Quelqu'un qui s'est fait refaire le visage et qui n'a pas eu son anonymat préservé. Non. Est-ce que ça implique un patient ou une patiente? Ça implique une patiente ou un patient. C'était raté, ça l'a tellement fait marrer qu'elle a posté la non, photo. Non, c'est pas ça. C'est juste une photo en disant ah, elle ressemble à. Non, non. Oh, c'est une vedette. Non, c'est pas une vedette. Ouais, s'amuser à lui faire des trucs pendant qu'elle était endormie. Et alors, dessiner des bits. Ouais, non, c'est pas ça, mais en l'occurrence. Mettre son cul à côté de son visage. Ce que je faisais à mon frère quand il était bourré et qu'il dormait. Alors. Cul dépigmenté en l'occurrence, bien sûr. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi dépigmenter un cul? Pardon, ça existe vraiment? Le blanchiment du trou de balle? Ouais. C'est pas le sujet, c'est ça? Non, on peut lancer un appel à témoins. Ouais. Non, mais on attend un maximum de tweets. Je chercherai de mon côté, y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose aussi. Mais c'est, je sais pas, peut-être un truc esthétique, peut-être. Mm-hmm. Ça dépend à combien de gens tu le montes dans la journée, parce qu'il faut rentabiliser quand même. C'est ça. Hey, tu sais que je suis allé chez le médecin? Non, ça m'a coûté, vous allez le voir, au prix où ça m'a coûté. Mais donc, oui, c'est. Alors, donc, elle attends, a été licenciée. Refais-nous, c'est quoi la phrase? Donc, la une chirurgienne s'est faite licencier après avoir partagé sur internet quelque chose. Et à votre avis, je vous demande quoi? Sur internet. Est-ce que c'est une vidéo? C'est une vidéo. Vidéo. Pendant elle une... a fait un mannequin challenge avec un. Avec des gens dans le coma. Des patients, Et donc tout le monde a dit super. Super bien fait. Super bien fait. Non, c'est pas ça. Une vidéo où elle limite un patient, genre elle limite un canard. Non, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un truc qui a vocation humoristique? Ça a vocation humoristique. Alors, c'est pas très drôle, mais ça a vocation humoristique. C'est internet. Voilà. Vocation humoristique. Ouais. Où elle est un peu bourrée? Non, pas du tout bourrée. Mais donc ça implique un patient qui était inconscient ou pas? Le patient, je vais même te dire un truc, il n'était plus vraiment là. Elle est morte. Aïe, aïe, aïe, non, aïe. Non. C'était dans le coma. Ah, elle a genre procédé à une ablation de quelque chose et elle a posté ce truc-là? Ouais. Ah, t'es pas loin. J'ai presque envie de te l'accorder, mais c'est pas vraiment une ablation. Ah c'est. Elle a montré du gras. Exactement. Ah, un sac de gras. Une chirurgienne brésilienne a fait un challenge TikTok. de danse. Oh là là. À la Ice Bucket Challenge, mais avec du drap. Horrible. Mais avec effectivement de la peau retirée d'un patient qui était obèse, donc la graisse et la peau. Ah oui, le surplus voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec? Elle l'a mangé. Bah alors voilà, le TikTok n'est plus en ligne, mais je peux vous montrer une petite photo. Donc c'est un petit sac. Et donc elle a fait une petite corée avec le sac de peau. Ouais, simplement. Cap d'invisibilité. Mais quel enfer, putain. Et donc. Si elle pensait que les gens allaient le refaire comme challenge, c'est un peu nul. Parce qu'il faut quand même vachement de matos. Il faut juste du gras et de la peau. Elle était très déçue. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ouais. Ça n'a pas pris voilà ce tout. Qui se passe quand on met des gens débiles sur TikTok en fait. Qui t'énerve pas. T'énerve pas, Julien. C'est pas si grave. Moi, je trouve que c'est abusé de l'avoir licencié pour ça. C'est... Ah ouais. Ça se fait pas, mais bon, c'est un truc de grade, une personne non identifiable. Ouais. C'est pas très pro, ouais. Mais on s'en branle. C'était Pierre Ménez, pour être exact. Ah, du coup, c'est bon. Bon après, la dernière fois, ça, évidemment. La dernière fois que j'ai défendu. Dernière fois que j'ai défendu quelqu'un, c'était un néo-nazi. Quelqu'un qui s'était fait licencier, c'était genre. Ah oui, c'était le mec qui le chef la merde. Du protocole du ministère de l'Intérieur qui s'était fait licencier parce que il était scatophile. Ouais. Mais en fait, il était scatophile avec des néo-nazis. Ah, donc, bon, oui, là, parce là, je le défends plus là. C'était de la littéralement merde, okay. La peau d'Hitler qu'elle a retirée. C'est bon, tout va bien. Elle peut être virée. Vous avez déjà, on a souvent, nous, des médecins fous dans le podcast. Vous avez déjà eu affaire, vous, à des médecins atroces ou des. Ou des docteurs pas sympas ou pas des... sympas, oui, mais je crois que je l'ai déjà raconté. Bah non, vas-y. Non, mais moi, c'est juste très rapide. C'était qu'à l'époque où j'étais dessinateur, j'ai eu un accident de vélo et je m'étais fait opérer. J'avais eu, voilà, plusieurs mois, etc. Et le docteur qui m'avait fait le bilan pour mon poignet, donc j'étais blessé au poignet. Donc, calmement, il te l'a fait. Et eux, en ce moment, chaque instant. D'accord. Et, okay. Il m'a dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc j'avais dit bah, je suis illustrateur et tout. Il a fait d'accord, oui. Et il m'a dit bon bah écoutez là vous allez pouvoir recommencer à faire vos petits dessins. Faire vos petits dessins, c'était mon métier. plus de condescendance, je sais pas si c'était possible. Voilà. Donc, une belle merde à mes yeux. J'ai oublié son nom, sinon je l'aurais balancé cet enfoiré. Bah là alors qu'il doit apprécier des petits Doliprane, des petits patients. C'est qu'une vilaine grippe. Valentin, non, ça, j'allais dire qu'en ce moment j'ai repensé à toi parce que je cherchais un ophtalmo et je suis tombé sur Dr Guigui qui est encore à Paris en fait. Je savais pas, il est pas très loin. Je pensais pas qu'il était dans le coin. Et Dr Guigui, c'est un ophtalmo dont on parle souvent dans le podcast qui est très mal noté. Qui est très très mal noté, qui a 0,5 étoiles. Ah ouais, parce que 0 c'est pas possible. Et justement, ça remonte un peu et les gens commençaient à dire non, mais il faut pas écouter la mauvaise pub qu'on fait à ce docteur et tout. Donc je suis allé lire les commentaires parce que justement, il est plus dans les 2,5, 3 étoiles. Il est à 2 quand même. Ça reste 2. Moi j'y vais pas. Un médecin à 2, j'y vais pas moi. Non, mais c'est vrai que moi je regarde tout le temps ça. Dès que je cherche un médecin, maintenant je regarde les notes et tout. Ouais. Moi je fais ça pour les psys et du coup je ne vais jamais chez le psy parce que je ne trouve pas. Mais d'ailleurs, pour revenir vite fait sur le docteur Guigui, en ce moment il fait de la téléconsultation. Et donc les avis sur la téléconsultation sont encore mieux puisqu'il ne vient pas. C'est-à-dire qu'il fait, il fait payer, il vient 2 minutes, il dit ah ça bug et il se barre apparemment. C'est ce qu'on dit des avis sur Google. Hein, surtout que nous on n'a jamais vérifié, tout ce qu'on dit c'est lire des avis sur Google. Comment tu peux via un zoom savoir si quelqu'un voit bien ou pas? Déjà tu vois flou avec la webcam, alors vous voyez quoi? Bah là je vois rien. Ah bah vous avez besoin de lunettes. Hein. C'est une connexion monsieur qui est vraiment à chier. Il y aura vraiment du gras sur l'objectif. Ah si, moi je suis allée voir un cardiologue il y a quelques semaines pour un petit contrôle technique pour mon petit cœur. Et le médecin a lâché des petites caisses de temps en temps. Il lâchait des petits pétous. C'est un petit monsieur, c'est un petit cabinet hyper charmant avec de la moquette, petite bibliothèque en bois et tout ça. Il se lève de son bureau. J'entends y aller. Après, il me prend l'intention, je sais pas quoi. Il se relève, il répète. Il a pété 2-3 fois. Et heureusement que j'avais un masque parce que je souriais de bonheur, en fait, tout simplement parce que j'adore les petits pets. C'était un monsieur d'un certain âge ou... Oui, ouais, oui, ouais. Ça, c'est... Il était en fin de vie. Professionnel. Peut-être qu'il a vu Krustel et il s'est dit tiens, petite référence. C'est ça. ça va la faire marrer. C'était drôle parce qu'au bout d'un moment, ça... Non, en fait, je t'ai entendu, monsieur. Oui, mais trop tard. Mais ce que tu viens de dire, moi ça me fait penser, mais je crois que je l'ai déjà raconté. Non, j'ai raconté tellement ça de choses. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. Mais j'étais allé une fois chez le. Putain, comment ça s'appelle? Chiropracteur. Pas chiropracteur, justement, l'autre. Space Mountain qui est ostéo. Ostéo, yes, c'est lui. Non, j'étais allé chez l'ostéo et donc. Le mec est très pro, machin, etc. Il me pose plein de questions. Donc je me dis, putain, c'est bien, il est compétent et tout. Hein. Il m'ausculte, il me manipule et tout, machin, etc. Il fait, écoutez, oui, très bien. Il va à son bureau, il fait, je vous laisse vous rhabiller et tout, machin, etc. Donc moi, je suis en calbar, hein, parce que voilà, je suis chez l'ostéo. Et pendant que je suis en train de me rhabiller... Ce sont de Renault, je suis en calbar. Pendant que je suis en train de me rhabiller, il fait... ah, je pensais que vous seriez plus à l'aise en caleçon. Oh. Là, tu et dis, je fais... Oula. Quoi? Quoi? Il me dit... Là, je me branle, là. Il dit... Suce-moi, suce-moi. Calmons-nous. Pardon. Et il me dit... Non, je pensais que vous seriez plus à l'aise en caleçon. Et donc... Et silence glacial après, rien. Et donc, moi, je suis en train de foutre mon fut, quoi. Et, non. Et je comprends, mais beaucoup trop tard, qu'en fait, il y avait le film... Les Dissociés. Les Dissociés, qui venait de sortir, pendant lequel je suis en calbar. Mais donc, moi, il me dit pas du tout. Rapport au film, Les Dissociés, tu vois. Et moi, jamais dans ma tête, je me dis, bah, je suis un mec connu, donc il doit faire référence à un truc que j'ai fait. Tu, non, vois, tu pensais que c'était un ex, peut-être. Et, ouais, vraiment, il faut dire qu'il s'est pas compris. Il saisissait à la gorge quand même quand il disait ça. Et donc, vraiment, il y a eu un silence qui m'a paru durer 3 heures avant ma réaction, tu vois. Et j'ai fait genre, oui. Vraiment, c'était trop tard pour faire quoi que ce soit, quoi. Enfin, peut-être quelqu'un de plus à l'aise aurait pu. Donc, bon, il était. Très compétent, très bien et tout. Juste, il y a eu un énorme malaise. On l'embrasse peut-être s'il nous écoute. On l'embrasse, mais voilà, il était très sympa. J'ai découvert après coup qu'il me suivait sur Twitter et qu'il il m'envoyait des dick pics. Non, ça suffit, Julien, merde. Non, il m'avait envoyé des messages et tout. Toujours en slip. Moi, c'est quand j'étais petit, donc je m'en souviens pas, c'est ma mère qui m'a raconté ça. On a un ophtalmo a dit que j'allais être aveugle. Et, ah ouais, et après, parce que juste en faisant un test, j'avais zéro problème. Hein. Il dit, votre fils va être aveugle. Donc ma mère, un peu terrassée par la nouvelle quand même. Elle bah, avait, c'est horrible. Mais pourquoi? Bah, il est capricorne. Bah, il mange pas d'aneth. Cherchez pas plus loin. Et un mois après, mon père a un problème aux yeux. Et il voit des petites taches. Mon père, il bossait dehors. Enfin, je sais, enfin, il bosse toujours dehors d'ailleurs. Mais en tout cas, il avait des problèmes oculaires. Il va voir le même ophtalmo. Il va être aveugle. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ma mère se dit, ah bah donc il y a une dégénérescence terrible du côté Bernard et tous deviennent aveugles apparemment. Et donc on va voir un autre ophtalmo. Mon père, on lui diagnostique complètement autre chose en disant non mais c'est rien, c'est à cause du froid ou je sais pas quoi. Il lui diagnostique qui va devenir pas aveugle. L'inverse. Un véritable aigle, ni plus ni moins. Il pouvait aller au Puy du Fou et voler maintenant. Mais on peut le retrouver tous les jeudis là-bas. Tous les jeudis là-bas, il est sur le petit bras d'un mec. Et moi je refais le test et à l'époque, parce que depuis je suis devenu myope, absolument aucun problème oculaire. Et c'est un mec qui apparemment une fois sur deux disait aux gens hélas vous allez devenir aveugle. C'était Greg Guillotin le stagiaire. Mais c'est chaud de se fourrer comme ça. Mais moi j'ai déjà eu un diagnostic comme ça. J'avais fait une grosse chute à cheval et j'avais fait une radio du dos. Et quand le mec a regardé ma radio, il était ouf. Ah ouais. Vous remarcherez plus jamais madame. Non mais franchement il était quand même vous avez quel âge? Et en fait, il était inquiet, je ne sais plus ce qu'il me dit. Et en fait, en bas de la radio, je vois Micheline, machin, 1943. Là, par contre, je ne suis pas née en 1943. Oh, pardon, il s'était trompé de radio, ce con, putain, il me faisait la radio d'une. Il était prêt à me dire que je ne marcherais plus jamais et tout ça, tu vois. Apparemment. De l'ostéopo. Mais heureusement que j'ai vu que ce n'était pas mon nom, parce que le mec, il allait me faire un. Je repartais en fauteuil roulant, quoi. Apparemment, cette chute de cheval vous a provoqué la ménopause. Apparemment, très étrange. Très étrange. Moi, il est arrivé l'inverse à mon père, donc c'est moins drôle. C'est-à-dire qu'il avait le cou un peu gonflé et tout, il va voir un médecin, il lui dit « Oh, une angine ça !» Une semaine après, ça gonfle encore plus, il va voir un autre médecin, il fait « Plutôt un cancer !» Oh là là, quelle horreur. Terminé. Quelle horreur. Enfin, terminé, non, mais c'est, voilà. Dans ce sens-là, c'est quand même moins marrant. Oui, c'est moins marrant. Je te remercie de l'avoir dit. Et générique. Mais c'est marrant, tu parles de maux de dos. On parlait de la mort du père de... Non, il est pas mort de ça. Non, ça c'est une petite péripétie, ça, rien du tout. Quelle technique fortement déconseillée par les médecins a été tentée par un homme qui souffrait justement de problèmes de dos? Ah merde, j'ai. Fortement déconseillée. J'ai pas entendu, pardon. J'étais dans ma bulle, comme Diams. Jeune demoiselle. N'arrête pas de revenir. Ah, ouais. Quelle technique fortement déconseillée par les médecins a été tentée par un homme qui souffrait de problèmes de dos? Alors attends. Ah Le dwerk. Non. De se faire marcher dessus. Non. de se, sur les couilles. De se suspendre. Non. De se faire craquer, auto-craquer. Non. Est-ce que c'est un truc qu'on peut faire tout seul? Tu peux te le faire tout seul. Bah lui en l'occurrence se l'est fait tout seul. Se branler? Non. Ça marche très bien. Dommage. Pour le dos il paraît. On peut le faire tout seul. Non, tu coupes ça. Tu coupes tous. Coupe réellement. Je mettrais juste un bip. Juste un petit bip. Ah oh, quelle enflure, putain. Donc c'est pas ça, Adrien. Alors, que... Et c'est un rapport avec le dos vraiment quand tu non, dis, tu rien dis à ah voir. Ouais, non, c'est non, vraiment rien à voir. Ouais. Rien à voir. C'est ça. Il a regardé les bronzés 3. C'est une position? Pas du tout. De dormir sur quelque chose? Non, c'est pas une position. Ça implique un autre objet entre ça, guillemets. En tout cas, ça oui, ça englobe quelque chose d'autre. Se mettre un demi-oignon dans la chaussette pendant non, la nuit? Non. Dans le cul? Eh bien, non, pas du tout. Pas parce du tout. Que ça implique un truc dans le cul? Non, non, rien dans pas, le cul. Même blanchi? Non, mais bien que blanchi. De la nette. Bien que blanchi. Petite botte d'aneth dans le cul. Ah, attention. Tu me donnes de nouveaux titres. Non, mais aussi, oui, bon, bah, une aneth dans le cul, c'est délicieux. Non, mais alors, par contre, dites-vous que c'est s'injecter quelque chose. Mais pas dans ouais. le cul. Non, pas dans le cul. Dans le dos? Ah, oui. Du Viagra. Non, bah non. Ouais, ouais, bah, ouais. Non. De l'héroïne, tout simplement. Alors, c'est une piqûre. C'est une piqûre. Une piqûre de l'eau? Non, pas d'eau. De l'eau. Du vinaigre? Non. Du vinaigre blanc, ça marche pour tout. Pour casser le calcaire. C'est un truc qu'on a chez nous? Pas con. C'est un truc qu'on peut avoir chez soi, oui. Un produit ménager? Non, c'est pas un produit ménager. C'est un médicament? Non. Du sperme. Un truc qui se mange? Très bonne réponse de Julien Pestel. Il non, s'agit de sperme. Non, non, non. L'homme, c'est... Si. Un truc qu'on peut avoir chez soi. Une connerie, moi. Bah, écoute. Il s'injecte du sperme dans le bras pour bien soigner sûr, son mal de dos. L'automédité. Déconseillé par les médecins. Il y en a plusieurs qui ont pensé à dire, attendez, si vous avez mal au dos, je vous déconseille de vous foutre du sperme. J'imagine vraiment le médecin qui disait, alors je pensais pas avoir à dire ça. Mais c'est plus ça. Mais ne vous injectez pas du sperme dans le... Enfin, nulle part, d'ailleurs. C'est le responsable de la santé de Trump, là, qui disait, non, arrêtez, faites pas ça. L'automédication peut s'avérer extrêmement efficace à condition d'être particulièrement bien renseigné. Cela n'était pas vraiment le cas d'un patient irlandais d'une trentaine d'années qui a eu recours à un surprenant traitement pour calmer son mal de dos. Au cours d'un examen, son médecin a remarqué une zone enflée dans son bras droit. Le patient lui a alors expliqué qu'il avait recours à une méthode innovante pour traiter le mal de dos. La technique soi-disant moderne qu'utilisait l'individu était le fait de s'injecter son propre sperme. Donc ça reste son propre sperme, hein, pas le sperme d'un tiers. Il se met du sperme dans le sang. D'injecter son propre sperme dans les veines. Pendant 18 mois. Pendant 18 mois, l'homme s'est en effet introduit sa propre semence. Pendant 18 mois. Oui, et il est tombé enceinte. Oh, ça, c'est vrai qu'on comprend pas. De lui-même. Il est un petit garçon. Ouais. Il a découvert le secret du clonage. Sa propre semence dans le corps au moins une fois par mois. C'est Captain America. À l'aide d'une seringue hypodermique, quand même, achetée en ligne. Une méthode innovante selon ce patient. Oui, enfin, oui, bah, oui c'est bien. C'est... Mais voilà, évidemment, donc dramatique, puisque le bras est devenu rigide à cause des injections, comme par hasard. Oui, il aurait dû le faire dans le dos. Ça lui aurait marché. Il se serait bloqué le dos. Il se serait bloqué le dos. C'est ce qu'a dit le médecin. Mais enfin, dans le bras, vous êtes con, quoi. Dans le dos, enfin, c'est dans la colonne vertébrale directement, le sperme, tout le monde le sait. Bon, vous prenez du sperme matin, midi, soir. Le sperme dans la colonne, pardon, mais c'est pareil. Le sperme a dit, le médecin a dit, bon, rassurez-moi, c'est pas votre propre sperme au moins. Quoi? C'est pas possible. Le sperme d'un pote, toujours. C'est la base. Vous avez de la chance, il me reste 5-6 tubes de sperme, vous pourrez vous les injecter. Des doses, c'est la dernière dose de sperme. Étant donné que l'individu ratait toujours sa veine lors de ses piqûres, semence était en fait infiltrée dans les tissus corporels situés autour. Mais tant mieux, parce que dans le sang, ça devait être pire, non? Je sais pas, moi j'arrive pas à comprendre. Les caillots de sperme. Alors je rappelle qu'on a un Twitter qui s'appelle FloatCastPod. S'il y a des gens qui font des études de médecine ou des médecins. Ou qui s'injectent du sperme. Ou qui s'injectent du sperme, non mais n'hésitez pas à nous en parler, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que moi aussi c'est pire si tu te le mets dans le sang, j'ai l'impression. En tout cas, il se passe quoi que ce soit, si t'as une bulle d'air dans le sang, etc., tu meurs, ça remonte ouais. au cœur, puf, hop, ça marche plus. Ouais. Ouais, donc, non, faut pas mettre cerveau. N'importe quoi dans le sang. Quoi. Tu prends du Perrier, tu l'injectes, terminé. Ça... Allez, non, ciao, ça dégage. C'est écrit fait... d'ailleurs sur les bouteilles de Perrier, c'est comme fumer tu, ouais, ne pas s'injecter dans le sang. Il devrait l'écrire sur la bite. Allez. Pas pour le sperme. Ah si. Bah oui, bien sûr. Deux hommes ont été arrêtés en Inde car ils avaient mis en place une technique pour voler les touristes. À votre avis, laquelle? Leur injecter du sperme dans le dos. Non, pas du tout. Est-ce que c'est un, moi je vais dire, est-ce que c'est un rapport avec le Covid? Non. Est-ce que c'est un truc de taxi? Non. Est-ce qu'ils se travestissaient? Pas du tout. J'ai pas écouté la question, j'ai vraiment juste parlé bordel de merde. Deux hommes ont été arrêtés en Inde suite à une manigance pour voler les touristes. Laquelle? Bien joué, oh, très bien. Exactement l'intitulé. Parce qu'ils avaient dressé des singes. Trois bons points. Oh. Putain, mais Julien, mais t'es une machine, c'est exactement ça. Attends, t'as écouté le dernier Floodcast ou non, non, pas du tout. Mais je voyage énormément. Non, mais j'ai parlé, justement, j'ai parlé des singes en Inde. C'est un peu pour ça aussi que j'avais choisi cette question. Deux hommes effectivement ont été arrêtés parce qu'en fait ils avaient appris à des singes à voler de l'argent à New Delhi. Bien sûr. Ah putain, mais à New Delhi en plus. Exactement. Parce que comme je disais dans le dernier podcast, je crois, ouais, le maire de New Delhi, l'adjoint est maire un de singe. New Delhi, non mais est mort parce qu'il s'est fait courser par des singes sur un toit et il est tombé. Oh, merde. Les singes en Inde. C'est un fléau là-bas. Ouais. C'était le nouveau film de Luc Besson. Et ce podcast lui est dédié. Non, mais c'est un avocat qui a expliqué aux policiers que trois hommes avec des singes l'avaient encerclé et dévalisé de 6000 roupies, à savoir 67 euros, alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule. Les hommes sont montés à bord et ont demandé à un singe de s'asseoir sur le siège avant et un autre à l'arrière. Oh là là, l'angoisse. Oh, j'aime bien la scène. Non, mais moi, honnêtement, si je suis dans une ville, il y a un singe qui me vole de l'argent, je fais bon, allez, c'est un singe. Allez, c'est va t'acheter des cacahuètes. C'est marrant, allez, vas-y. Allez, file. Et juste Luc Besson, le film Yamaka singe. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est pour ça que tu me regardes. Ouais. Tu me regardes en faisant attends, j'ai un truc pour toi, tu vas voir. Tu vas voir, c'est énorme, c'est énorme. Yamaka, ça arrive bientôt. Yamaka singe, bon titre quand même aussi. Yamaka singe. Ah oui. Ah, putain. Très très bien. Un montage encore si vous voulez. Hein. Ah oui, les Yamaka singe. Mais si tu veux, d'ailleurs, Adrien, alors non, tu voudras pas parce que je suis curieux de savoir comment. Non, mais je suis curieux de savoir comment c'est fait. Mais moi, quand j'étais petit, j'étais allé à la montagne aux singes. Pareil dans la région Grand Est, ah où oui, c'est des singes en liberté. Ah oui. Et tu peux te balader dans une zone protégée. J'avais ça au Kamadour aussi, on a la forêt des singes. Ah, tu vois, ouais, ils viennent te voir et ils sont pas emprisonnés quoi. En ah fait. Oui, et ils moi j'ai ça au Sri Lanka. Ils te filent du pop-corn à l'entrée et ils viennent. Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre. Je sais pas, ouais, ouais, voilà. Mais je n'en sais rien, j'ai pas fait de recherche. En fait, je suis point Élise Jusset. Tu te dis à quel point est-ce qu'ils les nourrissent bien si quand tu leur fous un pop-corn sous le nez, ils rappliquent tous quoi. Après, ils rappliquent pas tous, c'est ça qui était assez fou. C'est qu'en fait, il y avait pas ce côté un peu bizarre de tu sais, t'as tous les animaux. Je sais que Clara, elle avait fait un truc horrible, elle était allée en feu. Non, non, mais elle l'avait vécu, elle l'avait pas fait, tu vois. Elle avait giflé des gamins et tout. Elle a tué deux singes elle de ses propres mains. Tu veux mon fric ? C'est mon fric que tu veux ? Elle a fait une prise du sommeil à un singe, un orang-outan. Qui a voulu lui piquer son larfeuille. Elle a fait une clé de bras. Non, mais elle baladait en Floride, dans des canoës. Et il y avait des crocodiles, oh et en fait, les crocodiles étaient ramenés. C'est Crocodile Dundee Quoi, Clara? Genre, je suis en canoë, il y avait des crocodiles. Mais non, mais y a un c'est singe des qui est arrivé. Non, il n'y avait pas de singe. Mais pas de singe. Okay, pardon. Non, il y avait juste des. C'est les crocodiles qu'on a appris à voler. Mais attends, après, mais... ils ont dressé c'est un délire. Crocodiles. C'était deux hippos qui conduisaient le bateau. Enfin, c'était génial. C'était un épisode de Super Balou. Ouais, je te le dis. Pixar, quoi. Non, en gros, il y avait des crocodiles qui venaient, donc un peu impressionnés. Coup de fusil direct. Sauf qu'en fait, ils se rendaient compte que c'était les mecs de l'expédition qui balançaient des chamallows. Donc autant te dire que chamallows, crocodiles, bon, je crois pas que ça aille avec. Ouais, ouais. Ah, tu veux dire des clients? Non, pas les clients, c'était des organisateurs. Ah, pour qui viennent. Ouais, ouais, ah, oui, oui. Pour les faire venir pour les touristes. Et donc, en fait, c'était les horrible en fait. Ouais, crocodile. Ah, et même, il y avait des touristes. Trucs affreux, les pauvres. Et il y avait des touristes qui. Enfin, tu vois, ils proposaient aux touristes, quoi. Donc, c'était horrible. Le diabète chez les crocodiles. Oui, puis ça doit pas être compliqué de trouver des trucs plus adaptés aux crocodiles. Bah, après, si tu. Les singes. Tu dis, ouais. Bah, voici une chèvre morte, vous pouvez la lancer si vous voulez pour attirer les crocodiles. Non, mais je sais pas, j'en sais rien. Non, mais c'est. En règle générale, faut les laisser tranquilles, je pense. Oui, voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui sont truqués, en fait. Ouais, moi, j'avais fait une petite balade comme ça au Sri Lanka, une espèce de petit safari. Et comme par hasard, à la fin de la balade, on arrive dans un endroit, il y avait plein d'éléphants, c'était incroyable. Et oh, comme par hasard, il y avait la petite montagne où on pouvait se poser pour les regarder. Et ouais, en fait, ouais, bah, c'est un endroit où il leur filait plein de trucs à bouffer pour qu'ils viennent là. Et, alors, et ils étaient sans doute tabassés après. Quand mais même là. Adrien, là, il est chez moi parce que je lui donne à bouffer. Ah bah, je lui lance des petites, des petits Oreos Lady Gaga. Là, et puis, c'est super bien fait parce qu'avant de le savoir. Par contre, il a piqué ton portefeuille. Hein, tu préviens. D'ailleurs, je précise 9 vidéos sur 10 d'animaux qui font des trucs un peu insolites. C'est clairement de la. maltraitance animale, généralement. Attends, les vidéos de dodo? Non. Non, non, non, non, ça, non. Tu sais, mais tu sais, genre, par exemple, il y avait une genre vidéo. Genre, sur TikTok. L'éléphant qui peint, là. Ah oui, ouais. L'éléphant qui peint, tu sais, il y a une vidéo où t'as un éléphant qui tient un pinceau et qui peint un éléphant. Oui, bah, ils l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il fasse un putain d'éléphant. C'est pas un artiste, en fait. Et vraiment, 9 fois sur 10, c'est ça, quoi. Même les photos, c'est souvent. Voilà, il y a souvent de la maltraitance animale derrière. J'ai l'impression que ça s'est calmé, ça. Avant, il y avait la grande mode des photos avec les tigres et il y a eu plein de docu qui montraient que les tigres étaient endormis. Ouais. Enfin, tu vois, dans des conditions rimes. Et j'ai l'impression que je le vois de moins en moins quand même. Oui, oui, peut-être. Bah, après, peut-être dans ma bulle, à la manière de Diam, je suis peut-être dans peut-être ma bulle. Peut-être aussi parce que les gens voyagent plus aussi. C'est peut-être pour ça qu'on en voit plus. C'est un jour au Maroc, là, sur la place. C'est quoi, Jabal Fna, là ? La place Dalida. Bref, il y avait des gars qui te proposaient de prendre des serpents. Tout ton bonheur, Julien. Moi, j'ai fait ok, tout pour l'avoir autour de mon cou. Et en fait, bah, il était à moitié mort. Quoi. Ah là là, ouais, ouais. Et c'est ouais, ça, j'ai fait. C'était un tuyau d'arrosage, en fait. Ni plus ni moins. Qui puait un peu. En même temps, il y avait l'énorme logo Jardiland. Vous auriez dû le voir. J'aurais dû m'en douter. Ouais, vous auriez dû le voir venir. Quelque chose. À Perpignan, un business révolutionnaire risque de connaître un grand boom pour les prochaines vacances. À votre avis, de quel business s'agit-il? Est-ce que c'est un rapport avec le Covid? Non. Okay. Avec la bouffe? Non. Avec la weed? Avec le sexe? Avec la merde? Non. Bon bah voilà. Bien résumé pour le podcast. C'est la première émission. De la bouffe, de la merde et du sperme dans le bras. C'est le podcast. Non, pas du tout. Bon bah ça y est, on peut commencer. Alors un business de rencontre? Non. Non. Pensez business de vacances. Touristique. Camping. Non. Mais tu, c'est dans le monde. Ça pourrait être dans le monde du camping. Ouais, une tongue géante qui est un matelas en fait. Non. Putain, bah, je vais le faire. Dépose l'idée. Un moyen de transport? Non, c'est pas un moyen de transport, mais c'est quelqu'un qui a vu qu'à chaque fois, depuis des centaines d'années, les vacances avaient un problème. Et cet inventeur. Une invention, genre un truc sur les glacières ou des chaises. Tu t'approches, un objet. C'est un objet. Ah, les parasols qui s'envolent sur la plage. Exactement, Valentin. Bravo. Mais quel génie. Ça fait pas des centaines d'années les parasols. Attends, regarde des docus, mon pote. Regarde La Passion du Christ. Les mecs, ils sont en train d'essayer de mettre un parasol. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais dans La Passion du Christ de Mel Gibson, on apprend que c'est Jésus qui a inventé la chaise. Donc, il a très bien pu inventer le parasol également. C'est vrai. Il avait quand même pas mal de temps libre, Jésus, faut quand même le rappeler. Non, mais il était. Le mec branlait pas grand chose, hein, Non, mais il était comment charpentier. Il était charpentier. Ouais. Son père était charpentier. Non, mais attends, charpentier, pardon. Le mec, son père, c'est Dieu, il est pistonné. Oui, non, il a un petit hobby, mais son père lui filait des thunes. Clairement, il faut arrêter. Putain, déjà, le puits du fou, on les a sur le cul. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Donc, non, c'est le Paravol. La société Paravol a inventé le parasol qui ne s'envole pas. Et qui contient une petite boîte intégrée pour mettre tes affaires quand tu vas te baigner et qui ferme à clé. Charmé. Pas mal. Par contre, le nom sous-entend que ça s'envole, je trouve. Paravol. Contre le vol. Ouais, ouais, ouais. En fait, il dit on résout le vol. Attends. Non, mais lui, il dit, son slogan, c'est on résout le vol et l'envol. C'est paravol. Bah ouais, pas mal, ok. J'ai vendu des parasols. Et meilleure introduction. Donc fermez tous vos gueules. Je travaillais pour un été et on vendait tout un tas de le nom de la plage s'il te plaît. C'était un Narbonne plage. On vendait notamment des petites tongs en pendentif, on pouvait graver le nom dessus, enfin graver, écrire avec un pauvre crayon qui bavait, et ça se vendait très bien. Ce qui fait que ma tante augmentait le prix tous les jours. Qu'est-ce que ce soit remarqué. Ben on voit d'où vient la grande richesse des Vincent. J'aurais peut-être pas dû balancer ça. Il y a un truc à la tombe en tout cas. Non mais et du coup, on vendait des parasols et il y avait des parasols soi-disant anti-UV machin et tout. Et on pipotait à dire que c'était les mêmes trucs à la NASA sur les navettes tout. Et les gens disaient, oh, putain, trop bien, c'est. Mais donc t'as escroqué des gens, c'est ce que t'es en train de nous dire depuis. Oui, oui, c'est ça, mais j'avais besoin de le dire. Ça fait brûler en plus. Oui, ça, il y a eu un pic de cancer de la peau à Narbonne. À cause de Valentin. Je crois que c'était anti-UV. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de tissu, il n'y a rien. Oui, alors attends, juste sa méthode pour pas que ça s'envole, c'est juste de foutre du poids. De le lester. Alors attends, je vais te dire. Vraiment, oui, bon, bah. Le PDG, Laurent Vignoul, qu'on embrasse, le doit à un papy géotrouve-tout, comme il l'appelle, que le hasard des rencontres a mis sur son chemin. Cet homme avait imaginé un prototype qui a tapé dans l'œil d'entrepreneur. Je suis parti de son idée de départ et je l'ai développé. Et je lui ai volé son idée. C'est ça. C'est l'oncle de Valentin. Le pied est une pelle et une encre, tout simplement. Bah oui. L'invention est dotée à la place de la pointe traditionnelle d'une pelle qui permet de faire le trou. Une fois que vous avez creusé, vous mettez le pied dedans, vous rebouchez, reprend Laurent Vignoul. La pelle devient une encre de 26 par 20 cm. Je vous garantis que le parasol ne s'envolera jamais. Nous avons fait des essais avec des vents à 80 km/h. Alors c'est pas plus simple de faire un, ça va être très visuel, mais un système de comme ça et ça s'ouvre et après on peut plus l'enlever. Ah, tu veux dire comme un crochet comme. Ouais, mais je pense que le sable est trop lourd, Valentin. Donc du comment coup ça ne peut pas s'ouvrir. Sinon. Non, je vais faire ça, je vais gagner un maximum d'argent. Mais moi, ça évite les accidents, c'est dit, parce que les accidents de parasol, tu peux t'en prendre dans le dos. Dans le cul. T'auras aussi, beau te foutre du sperme dans les bras, ça va être très difficile de soigner. Non, mais ça sent quand même le système. Où vraiment tu mets 3 quarts d'heure à faire ton truc et c'est pas si bien. Je suis peut-être négatif, mais. T'es un peu négatif. Alors c'est une pelle, puis ça devient une encre. Bon, allez. Ça prend de la place, ça fait chier, c'est de la merde. Est-ce qu'ils disent que ça vient de la NASA? Parce que nous on disait ça, ça marche bien. Tu peux graver ton nom dessus. Un panneau publicitaire a fait grand bruit dans l'Aisne, à votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui. Un particulier qui l'a acheté? Non, c'est vraiment une grande marque. Comme dans Three Billboards, c'est très bon film. Non. Une grande marque, très connue. Nike? Non. Je vais dire, est-ce qu'ils ont été accidentellement racistes? Non. Est-ce qu'il y a une histoire de poils? Ils ont été volontairement racistes. Ouais, c'est ça, oui. Non, est-ce qu'il y a une histoire de poils? De poils. Ah oui, non, de poils. Non, pas du tout. Que tu te fais blanchir dans le trou de balle. Ouais, d'accord, ok. Non. Ah, c'est les poils. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Non. C'est pas. Il a fait grand bruit, non pas parce qu'il propose, mais par son originalité. Par un ensemble. Mais c'était un truc choquant, un peu. Pas spécialement, mais qui a choqué. Ah oui, donc choquant. Qui peut choquer. Ah, ça se voulait pas choquant, mais ça. Nous, aujourd'hui, tout le monde se choque pour un oui, pour un non. Ça a choqué. On peut ça a choqué à cause de son emplacement, parce qu'il était à côté. Oui. De... Ah, d'un cimetière. Non. D'un lieu. D'une église. Saint. Oui. Non. D'un crématorium. Non. C'était un épave. Un barbecue. Barbecue à côté. C'était le mec, mettez là, le feu barbu, à Rosanvi. Là, le barbu avec ses pubs pour les cheminées, là, vous vous rappelez pas? Invicta? Non, personne. Non. Moi, il m'a traumatisé, ce mec. Moi, j'ai le barbu de la pub Free, mais c'est tout. Non, mais dans moi, le métro, dit Raoult. Il y avait. Les... Moi, j'ai je crois Antoine. Que c'est Invicta, je crois, la marque. C'est une marque de cheminée et le mec foutait sa gueule. Il avait des dreads, un blanc avec une barbe et des dreads. Personne. Ah, mon rep, hein, donc. Non, mais. J'étais traumatisé par ce mec. Apparemment, vous en foutez. Ouais, non, mais je suis le seul. Je l'ai peut-être inventé. C'était Tyler Durden, ce gars. Mais... Il te parlait. Les pubs te parlaient, en fait. Et on googlise et on voit que c'est vraiment Adrien avec des dreads depuis le début. Non, mais en plus, il avait un nom. Je vais retrouver. Il avait un nom particulier. Mais donc, c'est pas Monsieur ça. Cheminée. Mais vous étiez pas loin, là. Vous, alors, vous oui, tourniez c'est... autour, mais c'est... effectivement, c'est ça une marque. Ça a choqué à cause de son emplacement. C'est ça. C'est une école, à côté d'une école. À côté d'une école. Ah, dit, putain. Oh. Je l'ai pas entendu. Il y a eu genre, un petit peu de cacophonie. Pour le denier de l'église. Moi je donne le direct. Point. Exactement. T'as je donne quoi, le point à Marion. Pour l'église, non pour non, l'église. Non, non, non, vous un avez truc donné. Un peu sexuel, moi je dis. C'est ouais, ça. Et Valentin a très bien rebondi. Vous avez, pour moi, la réponse est pour ouais, vous deux. Ouais. C'est une pub Durex qui a été placée devant une école maternelle située dans la Marne. Ils ont dit il y a trop de bruit, utilisez nos produits. Ça, tu vois. Alors non, c'est même plus précis que ça, Adrien, et ça va faire plaisir à Julien. T'as compris. C'est des pubs. C'est des publicités directes pour le sexe anal affiché. Ah près... C'était juste marqué enculé. Mais faites-le quoi. Il y avait non là, le slogan c'est on ne devrait pas pouvoir en parler ici. On devrait pouvoir en parler ici, mais on ne peut pas. On voudrait, mais on ne peut pas parler de sexe anal ici. Et c'était à côté d'une école, donc il y avait un petit peu de provocation dans le slogan. Oui, c'était fait exprès. Attends, il disait quoi le slogan? Le slogan dit. Bon, écoute, vous savez quoi aujourd'hui? Vous n'écoutez non, mais pas. J'étais en train de chercher le barbu. Le Rasta Blanc. Ah, okay. s'appelle. Le Rasta Blanc, il me dit quelque chose. Oui. Jean-Pierre Dupire. Le, s'appelle. Le Rasta Blanc d'Invicta, bien mais sûr. Oui, bah, mais j'ai des problèmes dans ma plantation. Ouais, c'était quoi ça? C'était Cana. Ça, c'était le groupe Cana. Bien sûr. Donc, Adrien, je te répète, en gros, c'était le slogan pour du sexe anal. Et le slogan était on voudrait, mais on ne peut pas parler de sexe anal ici. On devrait pouvoir en parler ici, mais on ne peut pas. Et c'est à côté de l'école maternelle. Quand même. On voudrait parler aux gosses de sexe anal, mais on ne peut pas. Quel est votre angle? À côté de l'école maternelle du petit Bétheny, dans la Marne. Mais parce qu'en plus de le blanchir, on peut rentrer dedans. Bah, Valentin n'aura pas perdu sa journée. On en apprend des trucs dans cette émission. Depuis l'entrée scolaire, ces pubs font un peu parler. Une riveraine a plaisanté. Heureusement, les enfants ne savent pas lire à cet âge-là. Point d'exclamation. Oui, parce que les images, ça va. Rassurez-vous, c'est pas un énorme trou de balle béant. Bienvenue. On ne peut pas en parler. Par contre, on peut vous le montrer. Allez, régalez-vous. Régalez-vous, les gosses. C'est pas une grotte. Entre parenthèses, c'est un trou du cul. C'est un trou de cul. Il y a un D avec un petit apostrophe. L'équipe de foot du FC Pange a bénéficié d'une célébrité soudaine, à votre avis, due à quoi? Et ce sera la dernière question. Pierre Cross a fait une vidéo. L'équipe de foot de quoi? Non. L'équipe de foot du FC Pange. Non, je dis ça parce que Pierre Cross a fait une vidéo où il sponsorisait une équipe. Oui, tu en as parlé et que c'est une super idée. Bah, j'adorerais que, oui, on en avait parlé, faire un sponsor au Floodcast. Mais FC Pange. Mais ce serait copié sur. Ce serait copié. Bah, ce sera pas copié, ce serait volé. Ouais, ouais voilà. Ça me va, ça me va. Non, si on assume, c'est rendre hommage, donc c'est bon. On volera. L'équipe de foot du FC Pange donc, a bénéficié d'une célébrité soudaine, à votre avis, due à quoi? Une vidéo qui a buzzé? Non. Alors, est-ce que c'est en France déjà? Excusez-moi, Julien, vous êtes l'expert réseaux sociaux. J'ai l'impression. Est-ce que c'est en France? C'est en France, c'est le FC Pange. Oui, bah, et vous savez, Pange, le fameux FC Pange. Le FC Pange qui est en Moselle. Je vous tiens, tiens, comme par hasard. Spécial. À tous les Meusellois. Toute l'équipe a été remplacée par des. Cigogniers. On est très blagues d'animaux aujourd'hui. C'est bien. Alors ce n'est pas ça, hélas. Est-ce que c'est un bad buzz? Pas vraiment, pas vraiment. Est-ce que c'est par rapport à un résultat qu'ils ont non. fait? Non, non, non. Une performance d'un des mecs? Pas une performance. En fait, ça n'a même rien à voir avec le foot, sport oui. Précisément. La Pange d'Emmy. C'est une personne qui en a parlé. Qui a fait. Une célébrité, oui, qui les a soutenus. Pas du tout, non, non. Mais ça pourrait être nous, cette célébrité. On pourrait les soutenir. On pourrait les soutenir. On peut. On parce peut. Qu'il leur est arrivé un truc qui est. Un et peu. Que je, qui est pas grave, mais que je trouve. Ils ont tous eu le Covid. Non. Il y a la foudre qui est tombée sur le terrain, non. qui a séché des, les gars. Non. Et ils ont, ça, c'est arrivé. Et ils ont remonté le temps. directement. Non, pas du tout. Alors, en fait, ils ont eu, y a eu un prix. Ah, un peu. De la vaneux. Pire équipe. Non, mais dans cet esprit-là. Les moins fair-play de France. Non, ce serait génial. Et d'ailleurs, quand ils l'ont, ils ont fait oh, oh, ça va. Les plus lourds. Non. Les plus alors, c'est un prix un peu comme. Enfin, un truc négatif, quoi. C'est, je peux te le dire, c'est, ça a été donné par la Fédération française de la loose. Sur le physique? Non. Sur leur maillot? Tu le maillot le plus dégueulasse? Ah non. Bah, c'est, vous êtes plus ou moins dessus. L'uniforme. Le logo le plus exactement, dégueulasse? Exactement. C'est le logo le plus moche, apparemment, de France. Non, j'ai envie de voir. Et du coup, ah oui, en fait, c'est un peu dur parce que je le trouve pas c'est si un, moche. Un rond ça, jaune avec une moustache noire dedans? Ah non. T'as dit quoi? C'est ah mais tu vois. Alors voilà, et donc je voulais utiliser cette tribune, cette tribune que nous offre Floodcast pour dire au FC Pange que c'est faux. C'est faux. Votre logo est super mignon. Bah ouais, je suis prêt, si vous faites des produits dérivés, à vous acheter un t-shirt ou un petit maillot du FC Pange. Ou à dessiner un nouveau logo. Par contre, c'est pas une cigogne. Il est bien. Non, c'est une vache. C'est une vache qui joue au foot. Et donc les gens ont réagi en disant. Alors Thomas Deveau, qui apparemment qui est milieu de l'équipe. Deveau. Une vache, ouais. Joli. Ah. On l'a bien pris. Peut-être pas notre président au début, mais après, c'est passé. Pourquoi ce logo? Ça remonte à 2003-2004. Le président de l'époque, qui avait de l'humour, entendait souvent de la part des équipes adverses qu'il y avait plus de vaches que de spectateurs dans notre stade. Ah. Et c'était vrai, puisque nous étions à côté d'un pré et il y avait parfois 50 vaches. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque c'est devenu un champ cultivé. Mais donc, même l'histoire, d'ailleurs, le logo, je la trouve mignonne. Ouais, donc, oui, tout est bien. Donc, le FC Pange, si vous nous écoutez, ou s'il y a des supporters du FC Pange, nous, on est avec vous et votre logo, il est super. Donc, n'écoutez voilà. pas les rageux. On va passer à la deuxième partie de l'émission. J'ai dit aux auditeurs que vous étiez invités, Marion, Julien, Valentin, mais il y a aussi des questions pour Adrien et moi. Oh. Et ils ont tous des questions à vous poser. La première question, c'est pour Valentin. Valentin, est-ce que Askip va continuer à être aussi fréquent? Comment préparez-vous les prochains mois? Oui. Askip, donc ton émission que oui, tu fais avec Askip, Julien c'est Josselin. L'émission qu'on fait avec Julien sur Twitch. On est tous les lundis à 20h30 en direct avec un invité. Et souvent avec Stéphane aussi qui réalise l'émission et qui a co-réalisé Escape avec moi. Et qui a cassé la TNT. C'est qu'est-ce qui casse la TNT? Putain, mais c'est fou. Et non, et comment on prépare? Alors oui, ça va continuer, c'est tous les lundis jusqu'au fin juin. on est sûr de faire jusqu'à fin juin. Et en gros, on se fixe que le lundi. Donc c'est le lundi qu'on fait le soir et on la prépare le lundi. Donc on se fixe, c'est la journée qu'on a consacrée à Askip et donc on se retrouve le matin. On envoie souvent un questionnaire aux invités pour un petit peu voilà, cerner les jeux qu'ils aiment bien, ce qu'ils ont voulu faire quand ils étaient petits, etc. Et du coup voilà, on se fixe le lundi, on essaye de trouver comment faire passer un bon moment à l'invité et nous aussi, mais souvent c'est pour les invités. Et voilà, tout simplement. Une question pour Marion et Julien. Est-ce que le succès de Crustel vous a apporté des propositions de rôle? Un petit peu. Ah, déjà, vous avez eu Crustel qui on a retrouvé sur l'émission de Daphné Burki à un moment. Ouais. Oui. Ouais. C'est cet épisode. Ouais. Peut-être qu'on est un petit peu plus contacté. Après, ce que ça nous apporte, c'est un peu de. Moi, je trouve, c'est il y a plus de sympathie dans les rendez-vous. Ça brise tout de suite la glace. Les gens doivent nous imaginer faire un petit pétou ou une voix rigolote. Le petit pétou de la Crosse-Vaud, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais. On est sur du pétou. Ça apporte davantage de. Notoriété, c'est pas le bon mot, mais de ouais, c'est ça, de sympathie avec des producteurs, ça nous a des directeurs de casting, qui lâchent une petite caisse pour plus facilement. Mais comme c'est un programme sur lequel on met pas du tout notre visage, on va dire, c'est compliqué pour les gens de faire le lien entre les artistes qu'il y a derrière et ce qu'ils peuvent faire vraiment devant une caméra, quoi. Ouais. Et vos voix, justement, vous avez eu des opportunités après de doublage ou pas du tout? Parce que c'est quand même très propre. Pour tout te dire. non, on fait un peu plus de pub radio et trucs comme ça, effectivement. On fait de la voix off, des choses comme ça. Mais après, parce qu'on n'a pas pris encore le taureau par les cornes, il faut faire des démarches, etc. Il faut aller montrer un petit peu sa tronche dans les vitrines. Studios de doublage, etc. S'il y a des gens qui nous regardent d'ailleurs, qui travaillent dans ce milieu-là, n'hésitez pas. Oui, Pixar nous écoute. Le patron Pixar nous écoute. Oui, complètement, il est avec nous. Question pour Julien, mais en même temps, je pense que ça concerne aussi Marion. J'avais participé à un de tes tournages en tant que figurant dans l'université Pierre et Marie Curie dans le 5e. Ça remonte à quelques semaines avant le premier confinement. Je me demande si ce projet va sortir un jour. C'est Varzignac. Bah oui, ça va sortir assez simplement sous peu. Mais en fait, oui, c'est un projet qu'on a tourné en février 2020, et puis après, il y a eu, paraît-il, une pandémie. Non, mais j'ai vu ça sur BFM. Pas mal de choses. et en fait, nous, c'est des projets sur lesquels on travaille à côté de notre vrai travail, de manière bénévole. Donc, on travaille dessus quand on a le temps. Et là, on n'avait pas beaucoup le temps. Mais il se trouve que la post-production du film arrive à son terme fin avril. Donc ensuite, ça va partir à un festival et ce sera sur YouTube dans les prochains mois, j'espère avant Noël. Mais voilà, ça finira par voir le jour. Mais voilà. C'est un film qui est compliqué à mettre en place, il y a beaucoup d'effets spéciaux, etc. Mais c'est vrai que sur la chaîne, sur ta chaîne, Julien, mais où on retrouve des projets auxquels Marion participe souvent, il y a des courts-métrages assez différents des uns des autres. C'est un peu un espace pour tester aussi ou pour... Parce que tu comprennes derrière la porte ou le dessin animé, enfin pas le dessin animé, mais le mélange live action dessin animé que vous avez fait avec un moustique, vous testez plein de choses. Même Adrien avait écrit un sketch, commentaire sketch, bien pour, sûr, pour la chaîne. Avec des proutes. Il y a un film sur un magicien avec des images un peu plus léchées, un petit peu comme une fable, etc. Donc oui, on teste des trucs. Moi j'aime bien les pétous, j'aime bien la magie, j'aime bien les jolies histoires, j'aime bien les drames. Etc. L'enculade. Parfois, il y en a. Ah non, mais dans tout. Je crois que c'est de là que vient la légende. Ça vient de là. Non, c'est parce que. Du coup, on teste des trucs. On teste des trucs, et puis à mon rythme, j'ai une chaîne YouTube, mais je suis pas YouTuber. En fait, je peux pas diluer comme ça du contenu tous les jours, ou toutes les semaines, ou même tous les mois. Donc. Des fois, j'ai envie de faire un truc, je vois si je peux le monter, et puis ça prend le temps que ça prend, et puis voilà. C'est que ça permet de montrer l'étendue de vos talents respectifs, c'est super. C'est aussi un conseil qu'on peut donner à des gens qui sont comédiens. Bien aussi des fois d'écrire ces trucs. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, avant j'habitais à Limoges, et à Limoges il ne se passait pas grand chose en termes de cinéma et même de télévision. De tout, général. Je pense. et du coup, je voulais faire ce métier. Donc pour le faire, pour être comédien, tu t'écris tes rôles, et puis tu les réalises, tu les montes, etc. Et c'est un truc que j'ai gardé même en vivant à Paris maintenant depuis 10 ans. C'est que je ne vais pas attendre que les rôles tombent tout cuits. Donc, plutôt que de rester les mains dans les poches, j'ai envie de jouer un cow-boy. Je vais écrire un film avec un cow-boy. C'est trop bien. Trop bien. C'est trop bien. Une question pour un peu tous les invités. Dans vos carrières, vous avez tous des gens qui vous inspirent et vous avez parfois eu la chance de travailler avec ces gens. Comment avez-vous réussi à mettre votre admiration de côté et faire votre travail en oubliant cette pression d'être à la hauteur, à la manière d'Emmanuel Moire? Valentin, toi je sais que dans Les Emmerdeurs, parce qu'on a travaillé ensemble avec Valentin sur cette série, toi t'as travaillé avec des comédiens que t'adorais. Je réfléchissais et c'est le seul exemple que j'avais travaillé avec des comédiens de Kaamelott, notamment Jacques Chambon qui joue Merlin, Mais en fait, ça, c'est, il était tellement adorable. Et Stéphane Margot aussi, qui joue Calo Grenant, ils étaient tellement adorables que la question ne s'est pas posée. En fait, c'était là, exactement comme travailler avec n'importe quel autre comédien. Du coup, j'ai pas trop eu encore ce truc de travailler avec vraiment une idole ou quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Donc, je sais pas comment je réagirais, mais j'ai l'impression qu'une fois. Là ça commence à faire pas mal de tournages que je fais, je pense que je commence à avoir plus confiance aussi en moi, donc j'ai l'impression qu'une fois sur le plateau, bon bah en fait tu fais ton travail, et si la personne est pas exécrable, bah, ça se passe bien parce que juste voilà, elle est comédienne ou comédien, et donc voilà. Et c'est vrai que le rythme d'un tournage, j'ai l'impression, fait que ça efface très vite cette relation. Moi j'ai eu la chance de tourner avec Christian Bugeaud, et c'est vrai que avant en fait tu te fais un peu le film dans ta tête, tu te dis putain c'est ouf, j'ai quand même dirigé le dentiste des visiteurs. Ouais. Enfin pour moi il a les meilleures blagues des visiteurs. Et en fait c'est vrai qu'une fois que t'es sur le plateau et que bah tu diriges et qu'il te pose des questions, enfin d'un coup ça redevient vite un travail, donc ça disparaît. Et que nous on les connaît à travers des œuvres qu'on a vues et qu'on a revues, et c'est resté imprimé. Mais le gars, enfin il a, si tu remets, tu vois, j'ai eu 5 jours en 1993 sur un tournage. Bon voilà, c'est une expérience comme une autre. Tu vois. Ouais. Après si demain il y a Depardieu qui vient, je pense que quand même. Je pense parce que pour le côté impressionnant, pas que je sois un grand fan forcément, mais. C'est vrai que moi quand j'ai fait Kaamelott, je connaissais pas trop Kaamelott, donc en fait j'étais pas trop impressionnée. Et quand j'ai rencontré Alexandre Astier, il était avec JC, là, celui qui fait Gradoc, je savais même pas qui il jouait, tu vois. Ouais. Donc j'y suis allée complètement zen. En revanche, il y avait Pierre Mondi. Et on dormait ensemble dans le même hôtel et tout. What? Ça. Pas dans la même chambre, Julien. Dis donc, les cordiers juifiques, il va se détendre. Non, mais voilà, c'était en mode colo, on se voyait. C'était à Rome où on était partis 10 jours. Pas que juifique, apparemment. Et il était trop sympa parce qu'en plus, il m'engueulait parce qu'il fallait que je le tutoie. Mais tutoie-moi, bon sang et tout. Et pendant les petits déj, on était là. Alors, je lui disais de finesse, il était comment? On parlait. J'adorais Pierre Mondi, c'était un Il est incroyable, il est incroyable en plus. Ah, puis il était en forme, alors qu'il avait 80 ans, je crois, et il est en méga forme. Ouais. Mais comme tu dis, Valentin, Depardieu, je pense que aussi c'est leur, c'est leurs images. Oui, enfin, c'est moins. Enfin, j'ai l'impression que c'est même moins la carrière ou les films que tu as vu, machin, que la personnalité que tu connais. Attention, moi. Voilà oui, le c'est monstre. Ça. Oui, voilà. Moi, j'ai travaillé très brièvement avec Mathieu Kassovitz, et par exemple, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est que t'es plus impressionné parce que tu connais la réputation du gars et qu'il est très charismatique, mais c'est ça en fait surtout qui t'impressionne. Après c'est les souvenirs. Moi j'ai tourné une fois avec Pascal Légitimus, c'était la première fois que je le voyais. Après je l'ai recroisé, mais quand je savais que j'allais le voir, ah là là, putain, c'était les inconnus. Ouais, c'est vrai. Et ouais, pourtant pour moi c'est un métier, je suis pas du tout comme une fan hystéro, mais en moi j'avais l'impression de, il y a une scène où on prenait un café et j'avais l'impression d'être avec George Clooney, what else, j'étais trop contente d'être avec j'ai la cassette des Raptou à la maison, enfin voilà, c'est les inconnus. Et puis après en fait ça se fait, tu le recroises et en fait tu t'en fous, quoi. Ah, salut Pascal. Mais sachant que jouer c'est encore différent, j'imagine que c'est encore une autre émotion de jouer avec la personne que diriger la personne. C'est vrai que quand tu diriges très vite, l'impression que tu reprends la casquette de toute façon faut que tu fasses ça, enfin tu vois, c'est horrible. Ça m'a fait ça avec Légitimus aussi, j'ai eu ce même truc sur un sketch du Palmacho où je l'ai rencontré pour la première fois et je jouais avec lui, on était à un comptoir. Et en fait, j'étais tellement flippé, je voulais tellement bien faire que je faisais toutes mes répliques en apnée. Et lui, il me regardait, il me fait « Ah, tu respires pas ?» Il était tombé immédiatement au sol. Bah ouais, tu respires pas, je te vois, tu respires pas, respire. Je fais, non, mais ça va. Je me rappelle, ça m'avait fait plaisir, moi, j'étais contente. Et Christophe Lambert, Julien aussi, quand même. Et Christophe Lambert. Highlander. Ouais, ouais. Ça, putain. Ça, super impressionnant, ouais, c'est clair. Mais après voilà, une fois que t'es en train de travailler, tu flippes avant, comme un mec qui va au théâtre et qui a le trac. Pendant, t'es tellement concentré sur ton truc, ton texte, ton rôle, ton placement, tout ça, que tu t'as pas le temps de cogiter. Et puis après, c'est là peut-être que c'est le plus agréable, c'est tu finis ta journée, t'enlèves ton costume et tu te dis putain, je vais te faire une scène avec Christophe Lambert. Et t'as cette voix en plus à chaque fois. À chaque fois. Quand tu te retiens de respirer toute la journée, je peux te dire qu'à la fin, t'as les cordes vocales un peu incomprises. Mais j'avais fait Adrian Paul aussi, qui jouait, lui, Highlander dans la série. Attends, t'as bossé avec les deux Highlander? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est incroyable. Attends, je les ai butés les deux. Qui t'a tourné, Adrian Paul? C'était pour la série The Cell, réalisée par Guillaume Lubrano, sur YouTube avec France Télé. Et il était venu faire quelques jours avec nous. Génial. Donc on peut dire que Julien Pestel a tué deux Highlanders. Ouais, ouais. C'est incroyable quand même. Et je vous emmerde. Ton awakening est au maximum, j'ai l'impression. Voilà. Vache. Mais en même temps, dans le travail, c'est presque moins flippant que genre dans des espèces de soirées mondaines à la con. Ouais. Oui, enfin, ou en fait tu lui parlerais pas. Ouais, oui, ou des fois, tu sais, il y a des moments où on te force un peu la main. Moi j'avais, quand j'ai croisé Shabba qui faisait une projection de Santa et compagnie à l'époque, et en fait c'est Kian qui m'avait invité, parce que Kian joue dedans. Et c'est le Ren. le Ren 4, ouais, voilà. Ouais, exactement. Et Kian me présente et tout, et ça c'est pire en fait. Enfin, à la limite, bah quand il y a un but de travail, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de cool, mais quand il te présente, même si c'était adorable hein, de la part de Kian, mais oui, oui. Il y avait un peu de truc, bah voilà, lui c'est Florent, il fait sur les 4, et Shabba connaissait, donc c'était trop bien. Moi je fais, ouais, après là je viens de me faire virer, mais c'est pas grave, je prends le compliment quand même. Et, mais c'est pire en fait, parce ouais. que là d'un coup tu dis, ouais, on a rien à se dire. Alors que dans le travail, du coup, ça, c'est ouais. légitime. C'est légitime, même, je crois. C'est légitime. Bah, puis toi avec Semoun, Adrien, quand même. Oui, non, mais moi. Ça s'était bien passé. Non, mais en vrai, c'est une des meilleures anecdotes que je connaisse. Oui, mais on l'a déjà. Oui, je voulais, comme tout le monde a dit déjà, je voulais pas. Ouais. Non, mais moi j'ai tourné avec Dominique Pinon sur Max et Léon, qui est vraiment un acteur que j'adore. Et plus récemment avec Ramzy, quoi, qui était vraiment. Mais moi, oui, quand j'étais sûr, ado, Eric et Ramzy, c'était. Enfin, je connaissais les sketchs par cœur, je les citais. Je les cite même encore, des fois, dans le langage quotidien, des morceaux de sketchs d'Eric et Ramzy. Donc. Mais oui, en fait, le truc, c'est que bah, en fait, soit la personne est sympa, oui, et ça. Du coup, bah, ça se passe bien, et c'est comme avec n'importe qui, ce qui a été le cas les deux fois, et soit la personne est pas sympa, et du coup, l'admiration se passe très très vite, ouais. Et du coup, il n'y a pas de problème d'admiration. On doit jouer ensemble, bah, les couilles, je m'en fous, fais ton texte. Donc, du coup, en fait, je trouve que l'admiration, enfin, moi en tout cas, je pose jamais de problème, quoi. Moi, j'ai eu de la chance de. J'ai jamais eu ça, je crois. De vraiment une grosse déception d'artistes que j'aimais. Et j'ai fait. Ouais. On peut faire une liste des connards. petite question, pareil, un peu pour tous les invités. Est-ce que vous préférez jouer des rôles éloignés de votre personnalité et de vos valeurs, ou à l'inverse, des trucs qui sont plus proches de vous, mais qui vous permettent de faire des choses voilà. Alors, moi, pas trop éloigné, parce que je suis pas un très bon acteur. Ça reste quand même pas trop loin de moi. Non, mais par exemple, si tu devais faire demain. Je dis n'importe quoi, un serial killer, non, tu vois, ou un agresseur. Éloigné. Oui, non, si, non, mais j'aime bien si jouer de mes valeurs, oui. C'est marrant d'exprimer des trucs, enfin de faire des trucs que tu ferais pas. Après, bon, c'est une blague hein, quand je dis. Non, mais c'est vrai que, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc que je préfère d'autre? J'en sais rien. Non, mais tu vois, par exemple, bah, justement, dans Hors de lui, qui va sortir en... Je sais plus. Avec Ramzy, là. Je sais même pas si on a le droit de le dire, en vérité. Donc. Bah, je crois qu'il l'a annoncé, d'accord, Baptiste. Okay. Mais bref. Okay, okay. Bah, je joue un... Bon, j'allais dire un énorme beauf. Bon, après tout ce qu'on vient de dire là pendant l'émission, c'est pas forcément un rôle de composition, mais... Non, mais j'adore, justement. Enfin, le mec, il est horrible, quoi. Et du coup, c'est assez marrant de jouer ça. Il dit et fait des trucs que je ferais jamais dans la vie, quoi. Donc, évidemment, ça, c'est... C'est assez, assez jouissif de faire ça, quoi. Mais moi, je trouve ça aussi... moi, je ne suis pas du tout acteur, mais en tant que spectateur, je trouve ça aussi cool. Se loger à Paris. Quel enfoiré. Bah oui, à l'époque, c'était ma période où je dénonçais énormément. Tu l'as... Je te dis, je réécoute des vieux podcasts, j'en ai réécouté deux, et tu le cites dans les deux, donc c'est... Bim. Moi, j'avais cicatrisé sur ça, moi. Merci d'avoir ouvert. J'ai injecté du sperme dans ta plaie. Non mais en tant que spectateur, moi j'aime bien aussi voir des comédiens, même en tant que scénariste, parfois écrire des comédiens où je sais qu'ils le feront bien et je pense que tu te perfectionnes même dans quelque chose qui est proche de toi. Enfin moi je pense souvent à Dujardin, on pourrait croire que parfois c'est des rôles qui peuvent être similaires, mais en fait il les pousse dans d'autres endroits. Oui. En fait c'est un peu De Funès, c'était un clown mais qu'il allait dans différents endroits selon le scénario, et je trouve ça ultra intéressant aussi. Oui. En tant que spectateur, enfin moi je trouve même, ça génial. Même Bakri, ou tu sais, tout le monde, il y avait un peu ce truc qui m'énervait. Il où a, les gens il a disaient, son clown, oui, mais c'est ça, les gens disaient, ouais, bah après Bakri joue toujours la même chose, mais ah en non. fait, pas du non. tout. Tu c'est compares juste le goût des autres et le cuisine des dépendances, c'est non, mais tout même à fait monsieur Sim, la vie très privée de monsieur Sim, je crois, c'est pas du tout, enfin c'est encore un mec hyper fragile et tout. En fait, le truc, c'est. Selon Charlie aussi. Il a une façon de parler, en fait, dans la forme qui est tellement caractéristique. Qu'en fait, les gens ont tendance à oublier ce qu'il dit et ce qu'il incarne, quoi. C'est-à-dire que oui, si tu prends les répliques, tu dis, oh, bah, il joue pareil tout le temps, mais sauf que évidemment, c'est vachement plus nuancé. Ça m'énerve quand les gens disent ça. Ouais, donc bien sûr. Ça n'a pas trop grand chose à voir avec la question. Mais... Non, mais c'est. Si, c'est assez. Parce que même aux États-Unis, il y a différents types d'acteurs. Il y a des acteurs, tu les prends pour ceux pour quoi ils sont bons et eux, ils mettent leur. Après, c'est une différence entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, il n'y a pas vraiment de case en fait. Tu peux te permettre de faire le grand écart. René Zellweger, tu vois, qui faisait du Bridget Jones, qui se retrouve aussi à faire un biopic. Sur Judy Garland, etc. En France, Marion Cotillard, elle a fait Taxi et puis elle a fait La Môme. C'est vrai. Ouais, elle en a quand même. Et du coup, elle a fait la carrière aux États-Unis. Tu vois. Ouais. Ça, vous avez tous les deux raison. Vous iriez bien ensemble, je trouve. Baiser devant nous, c'est quoi. Waouh. Il y a les masques, on ne sait jamais qui part. Toi, Julien, par exemple. Entre des trucs éloignés de toi ou parce que moi j'ai jamais joué des personnages trop près de moi en fait. C'est ça. Qui ressemble vraiment à Julien de tous les jours, qui est finalement quelqu'un d'assez ennuyeux. Arrête. Il y a des gens qui pensaient être potes avec moi ou même sortir avec moi avant que je sois marié et qui étaient persuadés que ça allait être une nuit de rockstar et puis. Oh mais on se fait chier avec toi. Oui absolument. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Je suis comédien en fait depuis le début. On va se mettre Hibernatus et puis en tout au feu et ça me va très bien. Casse-toi. Non, au final, non, moi je fais surtout des rôles. C'est un pot-au-feu, pas mal aussi. Je fais des rôles assez éloignés. Après, j'aime beaucoup faire les ordures, les méchants. Ah oui. Que j'ai beaucoup fait avec le Palmacho sur Max et Léon. C'était un mec, clairement un collabo. Ouais. Vraiment assez éloigné de ce que tu fais dans la vie. Et sur le prochain film là qui va sortir en. L'année prochaine. Ouais. 2022. Les Vedettes. Les Vedettes, là je fais quelqu'un de pas cool non plus. Oui, une ordure aussi. mais dans un autre registre. Voilà. Ouais. Bah, trop bien. Un peu moins criard, on va dire. Donc voilà, non, ouais. Pour le coup, je préfère jouer des choses qui sont loin de moi. Ouais. Et toi, j'adorerais jouer un méchant de James Bond. Bah, moi, un peu de tout, hein, ouais. C'est ça. Et c'est pareil, en fait. Un peu, ça serait trop ennuyeux si c'était trop proche de moi. Ouais. Après, on a tous notre particularité, tu vois, notre façon de. Oui, il y a des musiques aussi. Mais moi, plus je peux jouer des trucs et m'amuser, faire des trucs différents, c'est génial. Quoi. Mais c'est vrai que moi, je sais que quand j'ai écrit par exemple pour Julien, je sais qu'il y a une musique que j'aime bien chez lui. Et après, il adapte son jeu au personnage, mais c'est aussi une musique de dialogue. Faire les mecs un peu cons. Moi, j'adore faire jouer les cons aux gens autour de moi. J'adore faire jouer les cons. Non, mais tu vois, le grand dada un peu con qui comprend pas tout, mais qui est gentil, mais penaud, tu vois, je suis un peu con, quoi. Ça, j'aime bien faire les cons, moi aussi. Je l'ai beaucoup fait, donc j'essaye de le perfectionner et de l'affiner. Et des fois, tu arrives sur des projets où les gens t'ont vu et te disent plus de grimaces, vas-y, lol, quoi. Tu vois, j'ai joué comme ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est quand même de faire un truc un peu plus propre. Mais il y a plein de types de cons. Enfin, moi, je sais que dans le bureau des rêves où je t'ai dirigé, tu joues plus un con un peu speed. Un peu bof, alors que dans Les Emmerdeurs, t'es un con beaucoup plus sûr de toi, par exemple. Enfin, c'est-à-dire que. Non, mais je veux dire, même là-dessus. Il y en a plomb, là. Non, mais il y a un vrai plomb. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même là-dessus, il y a des variantes. C'est ça, il y a un éventail, en fait. C'est pas noir ou blanc, quoi. Et c'est agréable, en tant que réalisateur, parce que du coup, je joue pas tellement. Mais c'est agréable aussi. Bah, Mortal Kombat, le sketch. C'est tout en tête. Quelle machine. Bah, depuis, je joue plus. et du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, pardon, c'est agréable aussi. Pardon. Effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est quand aussi t'as un comédien qui a justement t'as une musicalité en tête, mais où tu te dis, tiens, on l'a jamais vu dans un rôle très différent et de voir ce que ça va donner. Et effectivement, je te rejoins, j'ai l'impression qu'en France, c'est plus compliqué. De dire, moi du coup je vais pas dire de nom, mais ça m'est arrivé de proposer quelqu'un dans un rôle où on m'a dit non, il est catégorisé dans autre chose, et alors qu'il était très bien, mais c'est juste c'est physiquement, enfin on est habitué à le voir faire ça. Donc, et Lissé Mou n'est pas si mauvais que ça en bossa nova par exemple. On l'attend pas sur ce terrain, donc. Mais je me suis fait la réflexion, pas sur Lissé Mou, mais j'ai regardé Vandavision et je me suis dit, le comédien qui joue du coup Vision dans Avengers, c'était quand même un rôle un peu chiant, de genre il est hyper sérieux, il doit rien faire et tout. Et j'aurais pas parié sur lui pour avoir vraiment une rythmique, un truc comique très drôle. Et comme dans Vandavision, il parodie les premiers épisodes parodient des sitcoms des années 50, 60 et tout. Et il est vraiment très drôle et il a vraiment un truc physique. Il a un truc. Et je me suis dit, effectivement, là, ils ont la chance de pouvoir faire ce grand écart-là. Et c'est marrant aussi parce qu'en France, on est très frileux à ce niveau-là. Ouais. Et en même temps, il y a toujours le mythe du faire son tchao pantin. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours, t'as une chance, quoi. C'est, ouais, t'as un film où tu peux sortir de ton... Par exemple, Arnaud Ducret, voilà, qu'on met dans la peau de Xavier Dupont-Ligonnès pour un film M6 et tout. Exactement. Qui, au final, s'en sortait pas mal hein, sur complètement. Le truc. Oui, mais t'as l'impression que c'est un exploit pour les gens quand t'es dans la comédie et d'un coup tu joues un rôle dramatique alors qu'en fait. Pour être bon dans la comédie. En fait, on peut le faire, les amis. Mais faut... ouais, ça, mais je pense qu'il faut leur donner la chance. Les gens ont la trouille, je pense. Bon, il y a un truc aussi, mais alors c'est ce qui est moins vrai avec peut-être Internet, mais ce qui est très vrai avec la télé et le cinéma, c'est le financement en fait aussi. C'est-à-dire que c'est un truc bête. Mais on te dit, c'est aussi pour ça que par exemple Christian Clavier joue souvent des bourgeois. Enfin, tu vois, il y a un truc où quand tu penses ton personnage il est comme ça, si tu veux le financer, tu dis bon, bah on va d'abord demander à Clavier parce que c'est lui qui me ramène le plus de gens au cinéma et on sait qu'il le fera bien. Et ensuite, on sait que le public aimera. Bourdon. Comment ? Je dis, ensuite, on demande à Didier Bourdon. Ouais, non, mais voilà, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et mais voilà, parce que ça reste, c'est un art, mais c'est aussi une industrie. Et moi, pour avoir un petit orteil là en ce moment dedans, c'est que des questions de qui ramène qui, enfin qui ramène en salle, qui fait que Zlatan Ibrahimovic ramène pas mal, je crois. Donc non mais donc c'est aussi ces questions là qui se posent, voilà, tout, quand... mais bon là on a un peu divagué. Non mais c'est vrai, non, c'est, non, vrai, mais c'est intéressant. On a un peu divagué. Une question, alors un peu pour nous, Adrien, qui demande si un jour on ferait des floodcasts sur Twitch. La fameuse question. Moi je suis partant, mais on n'est pas tout à fait d'accord sur le comment du comment. Oui, toi tu voudrais faire un truc un peu en plateau, machin, comme 2 heures de perdu. C'est ça, moi j'aimerais qu'il y ait une plus-value sur Twitch, mais je ne sais pas vraiment la plus-value, c'est qu'on va se faire de l'oseille. Déjà, c'est ça. Et puis le côté. Et puis nos belles gueules. Montage aussi, je ne sais pas si tu regardes. Bah, moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 2-3 vannes qui ne seraient pas passées en live sur Twitch. Ouais. Mais. On peut se tenir. Les gens peuvent se tenir, mais en fait, c'est parce que la base du pourquoi j'ai créé le Vlodcast, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est qu'on a participé à la nuit originale et que j'avais de Thomas Hercouet à l'époque. Et que j'avais adoré l'exercice avec une seule frustration, à savoir le direct me tétanisait. C'est que du coup, je réfléchissais mille fois à ce que j'allais dire en me disant attends, parce qu'il y a des gens qui écoutent. Pour pas se tromper de monde. Voilà, ouais, en plus, c'était hébergé sur Mademoiselle, donc le public était assez woke et connaissait pas mal de questions sur des sujets que je ne maîtrisais absolument pas. Assez donc, quoi woke, Julia. Pour faire les légumes, là. Oh, le okay. L'expert réseaux sociaux est de retour. Non mais en gros voilà, et donc du coup je réfléchissais un peu mille fois à chaque fois que je parlais et ça me tétanisait un peu, alors du coup je me suis dit avec Adrien on a quand même beaucoup rigolé, on va le faire monter. Donc Twitch c'est le retour au direct et c'est pour ça que moi ça me met un peu mal. Oui mais ça tient pas parce que t'es venu sur mon Twitch et on a parlé pendant des heures et c'était exactement comme si on faisait un podcast. C'est vrai que maintenant on a pris peut-être un petit peu plus d'habitude, on coupe de moins en moins. C'est vrai aussi. Mais maintenant, oui. Les floodcasts que vous écoutez sont de moins en moins montés parce qu'au final, on sait à peu près ce qu'on fait. Donc voilà, je suis pas fermé, mais moi, je sais que j'ai une petite envie. Moi, j'ai grandi en regardant Comédie et La Grosse Émission et je me dis, putain, j'aimerais bien un petit truc en plus quand même que peut apporter le Twitch. Le truc, c'est que si on se fixe comme la première émission, il faut que ce soit un truc avec un plateau, machin, etc. On va jamais le faire. Il faut qu'on... En fait, c'est dans les concepts qu'on peut trouver des trucs intéressants. Moi, je parlais de 2 heures de perdu. Et on peut aussi évoluer, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. Moi, quand je parlais de 2 heures de perdu, je voulais pas faire au point de 2 heures de perdu qui font un énorme truc avec fond vert, mouvement de caméra, machin et tout. Non, moi, c'était un truc un peu plus roots et last deg, mais quand même avec des petits trucs en plus et je ne sais pas quoi encore. Des néons derrière, des trucs. Non, mais déjà, t'as le direct et t'as le chat, donc ça apporte tout de suite ce truc en plus que t'as pas non plus, tu vois, dans une nuit originale quand on le faisait en direct. Adrien pourrait se déguiser. Il y avait moins l'interaction avec les commentaires, même si là sur Twitch, c'est vraiment un truc, t'as un truc d'interaction, t'as des jeux à faire avec l'interaction. Vous qui faites du Twitch sur Askip, Valentin, toi, tu sens une évolution aussi sur votre gestion du direct, du chat. Ouais, nous, ce qui est très drôle, c'est que la première émission, c'était il y a 2 ans, tout pile, parce qu'il y a eu un an avec il y a une crise, une pandémie. Et bon, c'est ce qui fait qu'ils se sont fait plein de pognon ici, hein, donc ils sont bien contents. Jamais. Hein. Bon, un emoji de Marion Cotillard, c'est l'équivalent d'un beau chèque. et du coup, la première émission, on avait cadré vachement, on avait fait un conducteur avec le minutage, machin et tout. En fait, on avait fait comme si on faisait une émission de télé. Et c'était avec Pierre Cross et vraiment on était là à faire ok Valentin, c'est à moi de présenter le truc, après c'est à Julien, après c'est à... Et dès la deuxième ou troisième, on n'a plus jamais eu de conducteur. On se note, enfin, on sait ce qu'on va faire dans l'émission, mais on est beaucoup plus en roue libre. Ouais. Et en plus, sur Twitch, il y a ce truc de, c'est pareil, nous, on avait peur des temps morts, des trucs. Alors qu'en fait, sur Twitch, s'il y a un petit blanc où tu regardes, le jeu marche pas, tu t'interagis, les gens sont aussi là pour oui, ça. Ils s'en foutent, ils accèdent, c'est ça, quoi. C'est pas de la télé, c'est pas, il faut pas que tout soit collé. Ouais. Après, nous, on a un truc où on fait pas du, on n'est pas streamer comme les autres. On a vraiment une émission, donc on essaye, ça dure deux heures et demie, pas plus, et un rendez-vous. Mais oui, en tout cas, on s'est vachement détendu et c'est vraiment notre récré. Nous, on le voit vraiment comme Wayne's World en fait avec Julien. Ouais, bah c'est un peu ça. On fait enfin notre Wayne's World. Même le morning live à l'époque, il y avait un peu un côté Twitch. Et ce côté direct et tout, on se dit, bah on fait vraiment notre Wayne's World. Ça nous fait rire qu'il y a un truc sur deux qui marche pas et tout, on l'assume et vraiment on s'amuse avec ça et donc on est très content de continuer. Il y a une question pour Adrien et moi que j'adore parce qu'il y a 14 fautes. Donc déjà, c'est question pour Florian et Adrien. Reviendrez-vous un jour sur l'expérience du Zapping Amazing? Alors je l'ai même pas vu. Et j'ai encore moins participé, donc pas sûr que je revienne. Pour ma part, je n'ai rien à voir avec cette émission. Je pense avec que cette ce personne show. Parle des Web Comedy Awards et je s'est pense. Trompée. Ah, mais hélas, ou d'Interville. <C'est pas. rire> Deux points pour Mont-de-Marsan. L'œuf est intact. Je salue Robert Wurtz qui doit bien se marrer là-haut. Et avec Coluche et Chabodo, le tricheur. Où ça? Au Puits du Fou, mon pote. Exact, c'est vrai. Et oui, une fois de plus, théâtre d'ignominie. C'est très pointu comme émission. Mais donc, s'il parle des Web Comedy Awards. Bon, on en parlera peut-être un jour. Ah, ce serait marrant, peut-être un jour. Ah ouais, ce serait marrant. Ouais. Moi, j'en ai parlé un peu. Il s'est passé des choses quand même. Il y avait la vidéo, il y a Mister JD qui a fait une vidéo qui est. Et qui m'avait contacté pour me poser des questions d'ailleurs. Ouais. Enfin, il préparait l'émission, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très pro de sa part. Où il me disait alors, j'ai noté des trucs et tout, et toi qui étais un peu de l'intérieur, et donc j'en ai paré très honnêtement. Et mais oui, ça pourrait être rigolo un jour. Mais après, je sais pas si les gens s'en souviennent très bien. Mais en fait, surtout, on avait fait un Skype avec Cavana quand même. On avait fait un quoi? Un Skype avec Anthony Cavana. Moi, c'est ce qui m'a marqué parce que vraiment, j'étais vraiment personne à l'époque et je me retrouvais en réunion. C'était ton premier gars connu. Mais oui, ouais, c'est ça. Mais bon, attends, t'étais pas là à la réunion? Si, j'étais là. Il a fait le sabre laser et tout. En présentiel, je te parle. Ah si, bah après, oui, bien sûr. C'était un fiasco, mais ça, j'aurais pu lui raconter. Ça, oui. Alors écoute, peut-être on en parlera. On en parlera peut-être un jour. Elle était magnifique cette réunion, mais on en parlera. Et ce que disait d'ailleurs, JD dans les vidéos qui était très vrai, c'est qu'en plus il y a un peu un pattern qui s'est reproduit avec le live derrière, donc c'est vrai que ça serait intéressant de parler de ça. Et bien écoutez les amis, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé. On va faire les recos, j'ai failli oublier. Voilà. Merci Adrien, j'ai vu ton petit regard rieur. Des recommandations culturelles, je sais pas si vous avez eu le temps d'y penser. Julien a les sourcils qui touchent le plafond, donc je vais commencer par lui. Non, je vais commencer par Valentin. Est-ce que tu as quelque chose à conseiller pour nos amis auditeurs? Oui, je vais parler gaming, parce qu'on a parlé Twitch. Moi aussi. Comme ce gros doigteur d'Adrien. Non, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Game Next Door. Donc c'est une chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo, mais qui analyse. Un peu comme on voit beaucoup d'analyses de films sur YouTube. Et par exemple, qui va expliquer aussi ce que c'est que le game design et qui va expliquer tous les petits trucs que font les game designers pour nous faire croire qu'on sait jouer, on sait où passer et tout. Et toutes ces petites analyses et plein d'autres choses sur qu'est-ce qu'un monde ouvert. Enfin, c'est des vidéos assez longues, mais qui sont très intéressantes. Et donc voilà. J'avais vu un truc, alors c'est pas cette chaîne, mais un truc super intéressant sur Mario. Parce que les gens disaient, mais Mario, c'est vraiment n'importe quoi, c'est un plombier qui saute sur des champignons et qui expliquait, non, c'est pas n'importe quoi, parce qu'en fait, la forme de chaque truc fait que tu dis, c'est logique de sauter sur ça, de machin, de trucs. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. D'accord. Et une autre chaîne de YouTube aussi qui s'appelle de Ludovic B, qui est un ancien journaliste, alors j'ai oublié qu'il y avait une autre chaîne YouTube avec plusieurs gars, mais bon. Et qui fait des vidéos toutes les semaines et qui moi la je regarde femme. La whitey femme. Il a sorti un blaze il y a quelques années. Je cherchais un autre mais j'ai oublié. Il y avait... ouais, bref. Et par exemple fait un truc qui s'appelle YouTube versus la télé et qui est hyper intéressant. Plagiat de movie versus life mais ok. Exactement. Non et où il fait en fait il explique comment marche parce que comment marchent les audiences en télé versus comment on comptabilise les vues sur YouTube ou ce genre de choses, comment marche le financement à la télé, comment on peut créer une chaîne télé et comment ça se passe sur Internet. Et c'est hyper intéressant. Là, il a fait une vidéo aussi sur la naissance des radios libres à l'époque. Des radios libres. Mitran, imitation peut-être. Merci beaucoup. Oh, sur la fin, là. Là, il est c'est sur son dernier souffle. Là, il est sur la roche de Solutré. Et non, et c'est hyper intéressant parce que on parle de Twitch là et les radios libres. Il y a vraiment ce truc-là qu'on retrouve un peu sur Twitch. De chacun, tu peux juste allumer ton ordi, mettre ta webcam et ça y est, t'es en direct devant tous les. Il y a Julien qui est encore sur la roche de Solutré. Ok. Et donc voilà, Ludovic B. Ludovic Berthiaud, très bon comédien. Alors, c'est marrant que tu aies conseillé une chaîne de. Parce que moi, c'est exactement dans la même lignée. J'en ai trois, alors je vais te dire rapidement. La première, c'est Doc Géraud, qui est un mec qui fait des vidéos depuis très longtemps, mais que je découvre que maintenant. Qui parle aussi justement. Lui, il était game designer chez Ubisoft et maintenant il est à son compte. Il a d'ailleurs sorti fin 2020, je crois, fin 2020, un jeu qui s'appelle Buisson. Qui coûte 8 euros, allez achetez-le, voilà, ça, on soutient. Un maxi best-of. Et il parle de game design et il parle aussi de comment lui il a fait son jeu, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis deux autres chaînes qui parlent aussi de game design et de jeux vidéo qui s'appellent Un bot pourrait faire ça et Game Spectrum. Ah oui, c'est des chaînes qui analysent, qui parlent de jeux vidéo, mais qui parlent aussi de trucs plus. Par exemple, Game Spectrum a fait tout un documentaire. Alors, je l'ai pas encore regardé en entier, mais c'est sur. Enfin, il y a un truc sur la place des femmes dans les jeux vidéo. Enfin, comment c'est. Enfin. Dead or Alive. Non, mais ça et puis qui sont. Enfin, c'est vachement intéressant. Quoi. Donc, il y a plein de. Ça parle pas que de game design, ça parle aussi du jeu vidéo et oui, sociétal. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Et de façon parfois philosophique et tout, et c'est très intéressant. Donc voilà. Marion. Alors moi rien sur YouTube. Voilà, la culture est un petit peu en berne en ce moment, mais je peux vous parler du film de Dupontel. Adieu les cons, qui sera toujours à l'affiche quand les cinémas vont rouvrir. Je pense qu'ils vont. Parce oui. que je crois que les cinémas ont fermé, ça faisait qu'une semaine. Exactement. Et ça, en fait, le truc, c'est qu'il a fait 9 jours. Il a fait 9 jours, il a fait 1 million d'entrées. Ouais. C'est énorme, quand même, vu la... Oh, et puis là, il a eu 11 César ou un truc comme ça. Donc je pense que Gaumont va. C'est le dernier film que j'ai vu au ciné. Et j'adore les films de Dupontel. Ouais. Et là, il m'a scié les pattes. Ça me fait rire. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une touche vraiment. J'ai autant ri qui était ému. Ouais, c'est donc un très beau film. Ouais, il m'a beaucoup ému aussi ce film. J'adore, je suis fan. Bien. Et Nicolas Marié est top aussi dedans. Enfin, Nicolas Marié, César du meilleur second rôle. Ouais. Grâce à Groom. On le rappelle. Tout simplement. Ah oui, il est sur Groom, c'est vrai. Moi, voilà, j'avais oublié qu'il était sur Groom. Non, c'est Léon. Il l'a dit. Hein. vous trouvez pas de trace de ça. Il a dit Groom et aussi un peu Peach. Ouais, c'est la cité les deux, je crois, de mémoire. C'est grâce aux deux. Enfin, voilà, rien d'original, mais je vous conseille d'aller voir si vous l'avez pas. Non, c'est un super film. Moi, Groom, je vois pas ce que c'est. Bon. Julien. Moi, je ne saurais que trop vous conseiller Le cinquième élément de Luc Besson. Bien sûr. Il est con. Non, je. Je peux vous le laisser en partant. Un bon pot au feu. On a regardé des trucs récemment. La WandaVision qu'on a découvert que récemment et qui est assez oufissime en fait. Ouais. Ah, on a vu le film The Call aussi. The Call, ouais, un film coréen. Un film coréen. Si je dis pas de bêtises, sur Netflix. Sur une nana qui reçoit un coup de téléphone et en fait, c'est un coup de téléphone qui vient des années 80. C'est le banquier d'apprendre à laisser. Il y a plein d'allers-retours entre aujourd'hui et les années 80. Elle lui dit ouais, mais tu pourrais peut-être faire ça. Et du coup, quand la nana fait un truc dans les années 80, ça change son âge. C'est pas mal du tout. Ah, il concept ça. Ouais, ça retourne un peu le cerveau. Ça me très fait bien penser. Fait. Ça me fait penser au film Entre deux rives avec Sandra Bullock et Keanu Reeves. Oh, oh là. Tu n'oublies pas de ce film. Mais pourtant, il y a qu'un seul rive pourtant. Comment? Il y a qu'un seul rive pourtant. Oh putain. En tout cas, c'est pas eux. Tu sors. Tu sors. Valentin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, je crois que ça s'appelle Entre deux rives, ça me fait peur du coup. Mais en tout cas, le concept, il était un peu. C'était en comédie romantique, c'est complètement différent. J'annonce, ça n'a rien à voir. Là, c'est thriller. Un peu film d'horreur, limite. C'est très bien fait. C'est Sandra Bullock qui emménage dans une maison et elle reçoit du courrier et elle comprend qu'elle dialogue avec le mec qui vivait dans cette maison il y a 40 ans et qui est mort. Ok, ça ressemble. Et donc, du coup. Non, ça ressemble plus. S'il est mort, c'est pas pareil. Et du coup, bah il y a un petit truc en plus de mais d'où je suis mort. Enfin tu vois, de quoi je suis mort. Ah ouais. Demain là. Et parce qu'elle peut lui répondre. Bah oui, parce qu'ils peuvent discuter par lettre, voilà. Et c'était un bon film dans mes souvenirs. J'ai jamais revu, peut-être une merde, mais dans mes souvenirs, c'était vachement bien. Bah là, The Call, c'est pas mal, mais ça se termine un peu en. Bah, il meurt tous, quoi. C'est limite un film d'horreur à la fin, The Call. Eh bien, quant à moi, je vous conseille, c'est sur MyCanal. Il y a Canal Plus qui a mis en place un truc, oh, dont j'ai oublié le nom. Canal Story. Story, exactement. Alors, bien c'est sûr. Pas aussi complexe que je l'espérais. En fait, ils avaient un peu annoncé. C'est... Non, mais attends, laisse-moi aller au bout. Ils avaient vulgarisé. Vulgarisé. Non, en gros, ils avaient annoncé que c'était un accès à toutes leurs archives des programmes cultes de Canal Plus. Oui, oui. Ah là là. Et. C'est vrai, par exemple. En fait, il y a une saison des Guignols, c'est tout. c'est hyper décevant. Non, mais en fait, sur certains, c'est un peu décevant parce qu'effectivement, c'est plutôt des best-of. Mais parmi tout ça, dans la section Les Nuls, il y a l'intégralité de ce qu'on produit Les Nuls sur Canal+. Ah, génial. Que ce soit de Objectif Nul à Les Nuls l'émission, et je parle pas des intégrules qui étaient sortis en DVD. Ouais, 595. C'est la totale. T'as tout et t'as tous les épisodes des Nuls l'émission. Voilà. T'as les deux saisons avec tous les invités et tout. Et Je me suis maté Les Nuls l'émission hier, moi. Bah, pareil. J'en ai regardé deux. Pareil. Après, en fait, c'est sur un lecteur Dailymotion, ce qui est un peu dommage. mais... Non, c'est sur MyCanal et c'est vraiment génial parce que c'est. Si vous êtes passionné de. Bon, déjà, si vous aimez juste vous marrer, c'est quand même toujours très marrant. Mais j'ajouterais que si vous êtes un peu geek de la culture comique ou des trucs comme ça, c'est passionnant parce que c'est marrant. On en parlait avec Adrien hier par message. Il y a des trucs qu'on vieillit, il y a des trucs pas du tout. Et c'est ce mélange qui est super intéressant en fait. Mmh. C'est que tu te rends compte que même moi j'ai trouvé. Ça m'a même mis un petit coup dans la gueule de. Moi j'ai pas connu Les Nuls l'émission, j'étais trop jeune, tu vois. Mais il y avait un petit côté nostalgie de ça n'existera plus vraiment en France, ce truc là de un invité par semaine, et c'était vraiment le Saturday Night Live, enfin c'était vraiment un monologue, des sketchs live, des fausses pubs et un concert, enfin un groupe invité, et beaucoup plus à l'arrache que dans mon souvenir d'ailleurs. Vraiment, parce que maintenant qu'on bosse un peu dans le truc et tout, tu fais oh la vache putain, tu vois vraiment les poutres et tout, enfin tu sens qu'ils ont filmé ça dans un coin en foutant un rideau à l'arrache et tout, enfin mais c'est trop bien de voir ça maintenant. Et en même temps c'est fat de ouf quoi. Et pareil, il y a un truc que je savais pas moi parce que je regardais pas à l'époque, mais où ils mettent un petit sketch à l'ancienne, donc en fait t'as toujours un peu Bruno Carrette dans chaque émission. Ça, j'avais oublié par exemple qu'il y avait des rediffs. Ils rediffusaient des vieux Nuls par ailleurs pendant Les Nuls l'émission. Donc je pense qu'il y a je sais pas combien d'heures de programme du coup, mais juste sur Les Nuls il y a je pense une vingtaine d'heures de sketch de cette époque là et donc oui, il y a des émissions avec Bacri, Michel Blanc, Clavier, alors un épisode avec Thomas Langman, ça m'a surpris en invité, très étrange, mais par exemple je suis avec Clavier et c'est génial quoi, parce que t'as vraiment des invités du Splendide avec Les Nuls et autant te dire que sur des sketchs en live c'est très très très très drôle. Donc voilà, l'intégrale des Nuls sur ma canal, et je sais qu'il y a aussi un peu des Guignols, il y a un peu, il y a tout le cinéma de Jamel aussi. Est-ce voilà. qu'il y a Palace? Il y a pas Palace, mais je crois que c'était la, non c'était Canal, Palace. Je suis pas sûr que c'était Canal. C'était pas la 5 non. C'était peut-être la 2. C'était peut-être. Je vais chercher. Bon, regardez Groove. Ah oui, je crois que c'était Canal. C'est sur ça qu'ils ont mis pendant ce temps. Alors, c'est un programme court que j'avais fait pour le Grand Journal il y a 7 ans. Ouais. Et il me semble que je l'ai vu passer tous les épisodes sur ce truc-là. Ça, c'est peut-être juste sur MyCanal. Parce que MyCanal, il y a aussi. Ouais. Sur les trucs récents, il y a MyCanal, mais là, ils ont vraiment ouvert la porte. Je te dis, il y a Decaune Garcia. Il y a Decaune Garcia, Les Nuls, le SAV. Enfin, il y a vraiment tous les trucs un peu cultes de l'histoire de Canal+. Le truc qui était bien. Voilà, exactement. Les trucs du bagel aussi. Pas là, c'était sur Canal. Alors, Thalassa, c'était sur France 3. Il y a pas toujours, peut-être sur Salto, cela dit. Peut-être sur Salto. Peut-être. Eh bien, merci à tous. Dernier tour de table pour rappeler l'actualité de chacun. Valentin Vincent, Askip. En ce moment, oui, vous pouvez me voir sur Askip avec Julien Josselin tous les lundis donc. Et voilà. Sinon, j'ai des projets en cours, mais voilà, je peux rien dire. Mais je croise les doigts, touche du bois et serre les fesses. Blanchis, bien sûr. J'ai la chance avec Stéphane, avec qui on a fait Escape, d'écrire un projet qui nous tient très à cœur. Donc on espère que ça va se faire. Super. Et tes différentes productions passées sont disponibles. Vous pouvez toujours essayer de voir Les Emmerdeurs, qui est toujours payant Sur YouTube Premium. Sur YouTube Premium, mais l'épisode 1 est gratuit. Mais voilà, je vous invite. Je pense qu'il y a encore le mois gratuit si vous avez jamais testé YouTube Premium. Et sinon, oui, j'avais réalisé un court-métrage pour Amy Alter, Blue à Noël. T'as tourné avec un chien alors qu'on dit que normalement c'est une catastrophe. Il était incroyable, ce chien. Moi, quand elle m'a dit j'ai un court-métrage que j'ai écrit, j'aimerais que tu le réalises. Par contre, c'est avec un chien et c'est mon chien. Je me suis dit, oh là, pff, C'est oui, vraiment... c'est pas un chien dresseur. C'est quoi. Ça. C'est, ouais. Et du coup, bon, on a commencé à bosser le truc et tout. Puis j'ai rencontré ce chien et je me suis dit, ah, sympa. Oui. Est-ce qu'il est sympa? Il est très sympa. Il est plus... pas la grosse tête, hein, il fait plus petit en vrai. Tu vois. Et non, il est adorable. Il était adorable. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, j'imagine ce que là, c'était juste sur 4 jours de tournage, mais j'imagine tourner avec un chien parce que bah, c'est quand même voilà, tu peux pas tout faire. Mais voilà, tu lui disais de rester assis sur une chaise, bah, il restait assis. Génial. Tant qu'on on lui avait pas dit de bouger. Et même je m'en voulais parce que je me dis pauvre chien quand même là il doit rien comprendre de sa journée. Et voilà, non, c'était très cool, donc voilà. Ça me rappelle cette anecdote sur un tournage Golden Moustache sur I4 même à l'époque où on tourne avec un chien, il y a un dresseur et le chien doit juste tourner la tête à gauche et et je fais bah là faut qu'il tourne la tête au dresseur, il fait oui enfin c'est un chien. D'accord. On avait payé ce dresseur, voilà, ah, qui non, était non, je pense nous, un très mauvais dresseur. Mais... Non, ça s'est très bien passé. Ouais, et je me demande si c'était. Pardon, non, vas-y. Et non, et j'allais dire, et Skype, donc le téléfilm qui est passé sur W9, qui risque de repasser. Il a fait un truc hein, à la TNT. Sais... Il a quoi? Non, il a plutôt bien marché. Ouais. Non, il a cassé la TNT. Voilà. Non, en fait, ça nous fait rire parce qu'on nous a envoyé un message pour nous dire record d'audience pour une fiction sur la TNT. Ouais. Et après, même nous on l'avait compris, mais on nous a précisé, en même temps, c'est la première fois qu'il y a une fiction sur la TNT. Non, mais là tu fais le modeste, mais il y a quand même. Non, ça a bien marché. Un million et demi, je crois, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. C'est énorme, hein. Mais ça nous a quand même fait rire parce qu'il y avait ce truc de genre, c'est ouf, c'est le record de fiction pour W9 qui n'avait jamais produit de fiction. Mais ne sois pas modeste, c'est plus que les sketch shows Golden Moustache, c'est plus même que. L'émission de McFly et Carito sur TMC, c'est un vrai beau succès. C'est un vrai beau succès. Donc, tu peux en être fier. Sale merde. C'est plus que les Web Comedy Awards. C'est vrai. Et peut-être, et ça doit être disponible en replay encore. Au pire, sur Salto. Alors, c'est pas sur Sipsplay, j'ai vérifié. Ah, c'est plus bah, sur, Salto, c'est sur Salto. Ouais, voilà. Je pense que c'est sur Salto. Et Julien avait passé le casting, et donc c'est gênant de parler de ça. Je veux te dire, parce que moi j'ai pas mal bourlingué. Il a passé le casting déjà. Les castings, j'en ai passé des dizaines, des centaines, et j'en ai eu très peu. Donc, ce n'est qu'une goutte de plus dans cet océan voilà. D'échec. On a parlé du film de Dupontel pour lequel j'ai raté un casting aussi. Tout va bien. Hein. Vous savez, parfois on est pris sur des films et on oublie de nous appeler. Hein. Mais tu sais, d'ailleurs, l'histoire du Dupontel, c'est un peu fou parce que. Nicolas Marié, donc, qui a eu le César, à la base, il a fait passer des essais à d'autres gens, Dupontel, parce qu'il pensait pas du tout à Marié. Ouais. Il l'avait essayé avec le Palma et Kian. Il l'a dit, hein, je spoil rien. Greg m'en a parlé. Il leur avait fait passer des essais. Ouais, pour le rôle de Nicolas Marié. Et en fait, il s'est rendu compte que si ce personnage aveugle était jeune, ça le rendrait plus triste que la petite poésie qu'a rajouté Nicolas avec son âge, tu vois, le côté anti-flic, tout ça. Et du coup. Après, c'est devenu l'évidence. Alors que c'est un mec avec qui il tourne depuis des décennies, Nicolas Marié. Ouais. Et comme quoi, tu vois, ça, des fois, ça se joue à rien. César, le mec. Bah, c'était super. Ça le rôle. Ravi pour lui. Julien. Oui. Ton actu. Comment ça va? Recommandation. J'ai oublié où on était. Moi aussi, sur le moment, je lui dis attends quoi. On a fait la reco. Mon actu. Là, pour l'instant. Post-prod de court-métrage. Ouais. Et puis, il y a des choses qui ont été tournées, qui vont sortir l'année prochaine, parce qu'avec toutes ces histoires de cinéma fermé à cause du confinement, ça repousse. Donc, Les Vedettes. Début 2022, Les Vedettes, prochain film du Palma Show réalisé par Jonathan Barré. Début 2022, il y aura aussi le premier long métrage de Caroline Vigneault qui sera disponible sur Amazon Prime. Je ne sais pas si c'est une marque, mais je le dis quand même, je m'en bats les couilles. Oh, tu peux dire les marques ici. Hein. Et puis, à la rentrée de septembre, il y aura aussi un programme pour M6, théoriquement en quotidienne, dont je ne peux pas trop parler, mais sur lequel j'aurai un rôle. Oh, trop bien, super. Voilà. Chambé. Marion ? Bah, qui se ressemble, ça semble. Hein. Je serai prochainement, en début d'année prochaine, dans Les Vedettes et aussi dans le film de Caroline Vigneault. D'accord. Je suis un petit peu dans Lupin aussi, j'avais complètement oublié. Ah, trop bien! Dans la partie réalisée par Hugo? Hugo Gélin. Les mains. Ah, génial! C'est Hugo Gélin qui... un petit coucou. Mais par contre, c'est au milieu d'un plan séquence qui risque d'être assez joli. Donc, c'est génial. Chouette. Et puis à côté de ça, on écrit pour créer des. Oui, parce que je disais Valentin, mais vous aussi, tout est disponible. Vous avez sorti il n'y a pas si longtemps que ça le court-métrage Derrière la porte, qui a eu un grand succès et qui est vachement bien d'ailleurs. Qui est vachement bien. Qui est important, je trouve, à regarder. Donc voilà, qui est sur la chaîne de Julien. En fait, c'est Julien Pestel. La chaîne YouTube. Ouais. Voilà. Et qui a eu des prix à plein de festivals, j'ai vu aussi. On a eu des sélections, mais pas de prix particulier. Ouais. Après, on ne l'avait pas fait pour avoir des prix, on l'avait fait juste pour passer un message. Puis, voilà, pour soulever des questions. C'est que la pandémie, il y a plein de festivals qui sont. Pas fait. Donc, c'est un film qui soulève des questions, qui pose pas toujours ça des réponses. Ça a changé un petit peu de nos bêtises. Mais c'est bien de se poser des questions, des fois c'est toujours utile. Carrément, carrément. Très beau film. Adrien ? Ben moi, il y a toujours La Bonne Auberge sur Twitch. On fait des jeux de rôle tous les premiers. On essaie de faire le premier dimanche du mois, mais on peut pas toujours. Donc, des fois, c'est le deuxième, des fois, c'est le troisième. Bon, voilà quoi. Et ben, sinon, hors de lui, donc sur France.tv, j'ai envie de dire septembre, mais ça me paraît. Non, si, c'est peut-être ça. C'était ça. Enfin, un jour. Et puis aussi les vedettes. Mais voilà, oui, donc, les vedettes. Voilà, Beaucoup de vedettes autour de la table. Oh là oui, bien joué, Valentin. Sauf nous deux. Avec Julien. Ah, c'est un peu Smala ici, là, hein, j'ai l'impression. Alors, que ce soir, c'est la même famille. Alors, hein. On va faire une petite partouze. Non, après, je la ramènerai plus. Hein. Je joue encore bah, un beauf, un peu. Hein, on peut le dire. Oui, un zozo, quoi. Oh, je fais le zozo derrière un clavier. Ah oui, ça y est, je me rappelle de ce que tu joues. Avec clavier. Avec clavier, derrière lui. Derrière Christian Clavier. Non, mais. Il joue deux Christian Clavier. Ouais, Et non, c'était très marrant. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Trop bien. Puis c'est tout, je crois. Voilà. Oh, c'est déjà pas mal. Peut-être d'autres trucs. Ouais, on croise les doigts. Bah, c'est vrai que là, des fois, on reste un peu secret sur les projets, mais la réouverture des salles, parce que effectivement, j'ai l'impression qu'on travaille tous en ce moment. Ça va. Mais c'est vrai que quand ça va ouvrir, il va y avoir un petit embouteillage de projets qui fait qu'à mon avis, voilà. Nous, on l'a senti avec la BD, mais j'ose même plus dire le nom, parce que c'est devenu une blague. Mais voilà. Ah, alors, c'est marrant parce que j'ai réécouté le vieil épisode. On en parle il y a 5 ans, sans doute. Bah non, on va faire ça. Non, mais c'est en cours, Truce Boy avec Julien Jostelin. Ouais. Ça va sortir. Mais pareil, il y a un embouteillage. Et là, on a eu. Mais elle est finie, en fait. Ouais. Donc, mais on a eu la. Voilà, ce sera. Je vous le dis pas quand, du coup. Allez, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours une actu, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Bye. Salut. À bientôt. Oui. Faut que je pisse. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.